Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché. Des croix décellées, 43 tombes dégradées. Le petit cimetière de Montjavoux n'avait jamais vu cela. Le projet de loi sur le mariage pour tous, promesse du candidat Hollande, sera examiné dès le 29 janvier au Parlement. Bon, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique, chrétienne, oui, excuse-moi. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Cartésienne, je crois plus en la science. En Occident, officiellement, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une croyance personnelle. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça montre une nouvelle. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans Oremus, votre podcast national catholique mensuel. Alors, je dis mensuel, mais en fait, bimensuel juste pour ce mois-ci, pour cet été, parce que vous êtes en vacances, et puis parce que nous aussi. Donc, on a fait une émission qui regroupe tout l'été, mais on va faire une émission un peu plus légère, sympathique, rigolote. Avant d'entamer sous les sujets qu'on va aborder, je vais faire, bien sûr, les petits rappels auxquels vous êtes habitués. Donc, je rappelle que nous sommes présents sur Gab et sur Odyssée, à l'adresse Oremus officielle. Nous avons aussi le plaisir d'être partagés sur Telegram, toujours à l'adresse Oremus officielle. Et puis, peut-être que vous pouvez nous retrouver aussi à droite à gauche sur différents médias. Et j'en profite bien sûr pour dire merci à tous les gens qui s'occupent de nous partager justement à droite à gauche. Ça me fait très plaisir et c'est ça qui donne finalement la visibilité à l'émission. Et je vais bien sûr commencer par la présentation des membres. Le retour de Elzinko. Elzinko, bonjour, comment est-ce que ça va ? Ça va super, Bobby. Je salue tous les nazis qui nous écoutent et tous les catholiques aussi qui nous écoutent et encore plus tous les nazis catholiques qui nous écoutent. Rex aussi est de retour. Rex, comment ça va ? Ave Bobby, ave à tous. Tout va très bien, ça glace comme en 39-40. Dédé, comment est-ce que ça va ? Salut les gars, loué soit le bon Dieu. Écoute, ça va, vive les émeutes. Tu tombes bien, tu me tends une perche formidable, on va en parler des émeutes. J'ajoute que vous avez constaté que l'équipe est presque au complet et nous avons Longinus qui va nous rejoindre en cours de route. Donc sans aucune transition, Dédé vient de l'annoncer, nous allons parler. Je ne sais même pas comment commencer ce sujet. Messieurs, qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi j'ai l'impression, je l'ai mis en poste de télévision, alors très peu, parce que moi la télévision, je suis un peu allergique. J'avais l'impression qu'on était à Haïti, en Afrique du Sud, en tout cas dans un truc pas très reluisant. Est-ce que quelqu'un peut résumer un peu la chose ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays apparemment civilisé ? Qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces Zoulous ? Je sais pas, t'as pas la télé ? T'as pas allumé France 2 ? J'ai allumé France 2, je suis tombé sur une sorte de documentaire animalier, j'ai pas compris. Les tamarins sont généralement des singes paisibles, mais nous les rencontrons dans un de leurs mauvais jours. De jeunes mâles semblent vouloir contester la suprématie du chef de clan. Apparemment, c'est des êtres humains, j'ai compris ça après. Oui, mais qu'est-ce qu'elle disait, la voix off ? Oh, tu sais, la voix off de France 2 est toujours la même chose. Elle dit qu'apparemment, les fameux animaux sauvages là, qui se baladaient dans Paris et autres villes sympathiques, si tu leur donnes de l'argent, du coup, ils arrêtent d'être sauvages. Alors, je sais pas comment ça marche, c'est un truc bizarre qui, apparemment, le billet doit, je sais pas, modifier l'ADN, je ne sais pas. Ah oui, moi, quand j'ai allumé la télé, il parlait pas d'animaux sauvages, il parlait de jeunes. Et de Français. Je vois les Arméniens, les Comoriens, les Italiens, les Algériens. Les Marocains, les Tunisiens, je vois les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, j'en vois des tas d'autres que je n'ai pas cités, mais je vois quoi ? Des Marseillais ! Je vois quoi ? Je vois c'est l'énergie de la jeunesse, je vois pas, il y a pas grand chose d'autre à commenter. Moi j'ai fait quelques petites conneries quand j'étais jeune, c'est vrai. Mais alors, j'ai pas brûlé de voiture, j'ai pas agressé des gens, je pense que j'ai volé personne. Je sais pas, c'est bizarre parce qu'en fait moi les autres jeunes qui faisaient aussi des petites conneries avec moi, ils allaient pas jusque là quoi. Voilà. Au pire, ce qu'on faisait, c'est que des fois, on allait sonner chez les gens en plein après-midi, puis on courait pendant que les gens, ils allaient essayer de répondre. Et puis, on trouvait ça très rigolo, tu vois. Ouais, c'est plus gentil que de tirer au mortier sur les flics, c'est vrai, j'avoue. Alors, bon, bah, apparemment, on était en Haïti. J'avais pas compris. Moi, je pensais qu'on était en France. Alors, Elzinko, tu dis que c'était des Français, ces gens-là ? T'es sûr ? Ben, enfin, oui, d'après la définition de la Déclaration des droits de l'homme, oui. Alors après, tu dis que quoi, quand tu étais jeune, tu te livrais pas au pillage. Moi, j'ai été surpris que tu faisais pas de la piraterie quand tu étais jeune, parce que c'est assez ancien, hein, tu sais. Dans le nord de l'Afrique, ils ont toujours aimé se balader sur des bateaux, piller la Provence, enlever des jolies femmes. Donc moi, je vois pas en quoi c'est différent. Hein, Quand tu dis le nord de l'Afrique, est-ce que ça englobe Paris ? Évidemment. Bah après, le nord de l'Afrique, il a tendance à remonter ces derniers siècles, donc c'est à géométrie variable, mais oui. Peut-être les continents, tu sais, parce qu'apparemment les continents, ils bougent, ça va être la raison. Oui, c'est la tectonique des plaques. C'est en SVT, ils nous ont parlé de ça. Je crois que tu faisais référence à un terme d'ailleurs qui est rentré dans la langue française à cause d'un événement historique. Je pense direct au mot razzia. Je ne sais pas si vous connaissez l'origine de ce mot razzia. En fait, c'est un mot arabe qui est rentré dans la langue française, qui veut dire donc pillage, qui vient d'une pratique, on va dire d'une coutume traditionnelle arabe, consistant à venir dans les pays européens et se servir comme ça de différents objets. Femmes aussi, hein, pour en faire des esclaves sexuels, de massacrer des hommes. Et donc, ça a tellement marqué que c'est rentré dans le dictionnaire, voilà, razzia. Voilà. Merci. On parle souvent de l'apport culturel des Arabes à la télévision. Je trouve ça bizarre d'ailleurs qu'ils n'en parlent jamais. L'origine du mot razzia, c'est intéressant. D'accord, ouais, ça ressemble pas mal à ce qui s'est passé. Non, alors, avec un petit peu plus de sérieux, on a assisté, il y en a qui qualifient ça d'émeute, mais on pourrait aller plus loin, c'est une insurrection. C'est une insurrection raciale qu'on a vue suite à la mort d'un halogène tué par, mis hors d'état de nuire par un fonctionnaire dont la charge est de préserver l'ordre républicain. Donc, et suite à ça, il y a une première période suite à la mort du jeune. Où en fait, il y avait France 2 là où j'étais. Bon, c'est pas que moi je suis un grand fan, hein, mais bon, ça tournait, donc bon, j'entendais. Et c'était assez évident que la rhétorique, elle était. On fomentait du trouble, même de la part de France 2, même de la part des représentants de l'État. En gros, c'était une George Floyd. En gros, c'était la violence policière, c'était inacceptable. Tout était. Retourner contre la police, en fait. Tout était fait pour mettre le feu aux poudres. Il y a pas mal de choses à dire. Bon, déjà sur le fait qu'ils sont autant français que vous et nous parce qu'ils ont la nationalité. Bon, c'est la magie de Darmanin. Hein. Je sais plus, l'année dernière, déjà, il avait accusé les supporters anglais de fomenter des troubles alors que... tout le monde a écouté les vidéos qui traînaient sur Twitter et autres, et t'entendais du « wesh cousin, veux-tu, en voilà ». Donc ça n'avait pas l'air d'être hyper british tout ça. Si Paris vient ici sans papier, sans rien du tout, ils rentrent à un match, les gens sont achetés 5000, 6000, voire gratuit. Si on veut tout dire, vive l'Algérie, le Maroc. Mais voilà, c'est la magie, l'halogène est francifié. Après, il y a plusieurs choses à dire. Bon, cette fois-ci, ils ont catégorisé les prénoms. Aussi, ils ont dit, vous voyez, les prénoms qui ressortent souvent, des Kevin, des Jean-Kevin, des Jean-Eude. Enfin, c'était assez rocambolesque, quoi. C'était assez drôle. Il s'avère que nous avons pu consulter la liste des prénoms des personnes qui ont été interpellées. Alors, on ne vous a pas mis toute la liste, bien évidemment. Voilà le top 20. Des prénoms, alors il y en a forcément beaucoup. Par ordre alphabétique, vous avez du Adam, du Alexis, du Ali, du Brian, du David, du Dylan, du Enzo, du Hugo, je ne vais pas tous les faire. Vous avez du Nassim, vous avez du Théo, vous avez du Yanis. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ces prénoms, ils sont à l'image de la France, c'est la diversité française. Ils sont à l'image de notre société. D'abord, ce serait intéressant d'avoir les nombres. Pardon, mais mettre là, vous avez le top 20. Oui. Je vous avoue qu'on n'a pas listé mais l'intégralité des prénoms parce que ça commençait à faire beaucoup. Ça serait intéressant d'avoir les nombres. On ne veut pas appeler un chat, c'est comme ça que ça se passe en, en 5e République. Et en fait, là, ce qu'il faut dire, c'est ça, oui. C'est une tentative d'insurrection, des enclaves ethniques qui saccagent, un peu, elles se portent atteinte un peu à elles-mêmes, parce que souvent, ce sont les quartiers dans lesquels ils sont qui le détruisent. Après, des fois, ça déborde un peu, vous me direz. Mais voilà, puis après, voilà, comme disait Elzinko, il se calme parce qu'on arrose de flouze un petit peu pour rebâtir un petit peu tout ce qui a été cassé. Et puis, il n'est plus rien à voler dans les magasins, c'est tout. D'ailleurs, amusant, parce que ce n'est pas la République qui a fait régner l'ordre, l'autorité. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public comme avec les réunions d'ultra-droite. Là, tout va bien. On voit que d'ailleurs, ça n'a pas été aussi hostile qu'avec les Gilets jaunes, hein, même si ça pouvait ressembler en termes d'émeutes plus ou moins, sauf sur l'aspect mélanine. Là, ça a été quand même un traitement beaucoup moins hostile, on peut dire. Mais ils avaient peur, en fait. Ils avaient peur que ça s'embrase encore plus. Surtout que c'est que des divinités, en fait. Tous les émeutiers, c'était des Naëls en puissance. C'est-à-dire que si tu l'entends toucher un cheveu, même s'il foutait le feu à ta baraque et violait ta grand-mère... c'est un crime contre l'humanité, quoi. Donc c'est comme des petits totems qui se baladent partout et qui font ce qu'ils font. Mais dans ce climat-là, comment tu... t'es paralysé, quoi, si t'es un flic ou... Même si tu veux, même si t'es pas au service du désordre de la République, que t'as envie vraiment de faire quelque chose, tu risques ta peau personnellement, tu risques ta carrière, enfin c'est compliqué, hein. Oui, comme le flic d'ailleurs justement qui est encore en prison, finalement il a fait son boulot. En fait, aux États-Unis, il n'y aurait même pas eu de débat là-dessus. Tu fais un délit de fuite, le flic, il a l'autorisation de te tirer dessus. C'est même pas concevable. Je ne comprends même pas, d'ailleurs, qu'il y ait encore un débat là-dessus en France. Le mec, il risquait vraiment de buter des gens, quoi. Il était avec sa bagnole à fond de 5e en ville, quoi. Donc, à un moment donné, ils auraient su à le choper, à l'arrêter à un moment donné. Il a voulu repartir. Là, ils ont tiré une bastos, quoi. Normal, non mais normal. Après, tu parles des États-Unis, mais il y avait eu quand même l'histoire de George Floyd, là. Hein. Ils avaient quand même, parce que lui aussi, il ne s'était pas non plus trop soumis aux policiers qui voulaient l'arrêter. Les policiers, ils n'ont pas non plus fait des choses extraordinaires, quoi. Mais pourtant, ils ont réussi à mettre le pays à feu et à sang à partir de ça. À chaque fois qu'un métèque reçoit l'ordre, aux États-Unis ou en France, qu'un métèque reçoit l'ordre de ne pas bouger de la part d'un flic, qu'il soit blanc ou pas d'ailleurs, c'est comme s'il y avait une anguille qui se glissait dans le t-shirt du métèque en question et qui faisait en sorte que le métèque gigotait dans tous les sens, hurle, il pleure, enfin il fait tout ce qu'il ne faut pas faire, alors qu'en fait le type lui dit « calmez-vous ». Pour moi, la chose à laquelle on a assisté, c'est les prémices en fait d'une guerre raciale, quoi. Les pillages de partout, les agressions, les tirs au mortier. Mais ce qu'il faut remarquer, je pense, c'est vraiment l'universalité du phénomène en termes de lieu, déjà, évidemment. Donc, en fait, on a en gros le territoire français du nord au sud qui est criblé de poches, quoi, d'abcès halogènes. Bon, ça, on le savait déjà, mais c'est confirmé une nouvelle fois. La deuxième chose, c'est qu'il y a une solidarité chez ces gens dans la haine et dans la soif de destruction. Donc ils sont prêts à en découdre. On a vu jusqu'où ils ont été capables d'aller alors qu'on est soi-disant dans l'ordre républicain. Donc on peut imaginer jusqu'où ça pourrait aller si jamais l'État s'effondre, si jamais un jour un blanc a envie de se faire justice. Ça nous a donné un bon échantillon. Avec éventuellement la variable islam qui est là pour informer toutes ces masses diverses. Ce n'est pas impossible que c'est joué un rôle dans l'unité d'action qu'on a pu observer. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. On n'a pas peur, on est né musulmans, alhamdoulilah. Si la police nous tue, on a le droit de tuer. C'est écrit dans le Coran. Donc voilà, c'est un petit peu une prophétie de ce qui est à venir, d'une guerre raciale. Donc la guerre raciale, je pense, c'est à peu près la pire des guerres que tu peux avoir, quoi. Enfin, on a vu à peu près ce qui s'est passé au Rwanda, en Algérie. Donc c'est une guerre, en gros, qui nous viendrait dessus et que, si les choses continuent comme ça, on ne va pas être vraiment capable de l'éviter. Donc une guerre, c'est quoi ? Une guerre, c'est une punition du péché. Une guerre, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Donc, on en a déjà eu en France, des guerres. On a eu les guerres révolutionnaires à la Révolution française, mais après, on a surtout eu la guerre de 1870 avec les Allemands. Ensuite, on a eu la guerre de 14 et il y a eu la guerre de 39-45. Donc, quand Dieu il envoie la guerre sur son peuple, parce que bon, on était quand même son peuple, c'est qu'il veut lui faire passer un message. C'est pas juste pour nous, voilà, c'est pour nous redresser qui nous envoie la guerre. Et moi, ma théorie, c'est que ces guerres précédentes, elles étaient envoyées en premier lieu aux catholiques. Les athées, bon, ben, c'est des athées. Les apostats, ce sont en gros les mauvais catholiques qui sont devenus apostats. Et si on regarde les catholiques en France, la façon dont ils ont réagi à la guerre de 1870, de 1914, de 1939-45, en fait, ils n'ont rien compris. Ils sont restés fixés sur leur position. Et là, je parle des catholiques traditionnalistes. Hein. Je parle des gens qui étaient vraiment encore catholiques à l'époque, qui critiquaient la Révolution française, qui critiquaient la laïcité. Ces gens-là, ils sont restés braqués sur leur position d'orgueil. C'est-à-dire, ils se sont dit, bon, ben, nous, on est parfaits. En gros, voilà, le système d'ancien régime était parfait. Nous sommes catholiques, c'est la religion, ce qui est vrai. Donc, nous n'avons rien à changer. C'est les autres qui doivent changer. Ce sont les francs-maçons qui doivent changer. Ce sont les athées qui doivent changer, qui doivent devenir comme nous. Nous n'avons rien à comprendre. Nous n'avons rien à nous reprocher. Donc, on peut rester, en gros, en fait, la seule chose qu'il faut faire pour être un bon français, c'est rester catholique. C'est aller à la messe le dimanche. Voilà, prier dans son coin, en gros, et on s'arrête là. En gros, c'est un modèle, enfin, un peu, ils sont restés sur un modèle un petit peu individualiste, c'est de l'individualisme spiritualiste, voilà. Et là, je pense que la guerre raciale, ce serait le dernier remède, ce serait un ultimatum, c'est-à-dire que voilà, les guerres d'avant, on aurait pu se relever, mais là, avec une guerre raciale, en fait, tu peux plus rester sur un modèle individualiste. Tu es obligé... Ben, de réintégrer l'individu dans sa dimension anthropologique fondamentale. Et voilà, c'est-à-dire de réapprendre, en gros, ben, de devenir fasciste. En gros, c'est ça. Je pense que le seul moyen de survivre pour les Blancs, et en particulier pour les catholiques, à ce qui nous arrive, hein, ce qui nous est annoncé par ces événements, ça, je pense qu'il ne faut pas ignorer cet avertissement, ben, ce sera de réapprendre à savoir se sacrifier pour la vie du groupe, pour son groupe racial, pour son prochain, en fait, apprendre à aimer son prochain et, voilà, et à vivre son catholicisme dès ici-bas, pas simplement attendre dans son coin de devenir au ciel un saint international, alors que sur Terre, on est tourné vers nous-mêmes et on se prend pour la France peuple élu, second Israël. Voilà, c'est ça que je dirais. Ouais, pas mal. C'est sûr que la guerre raciale, d'un côté, bon, ça serait délétère dans le fait que ça puisse nous rendre exsangues ou des choses comme ça. Et en même temps, ça peut être, comme tu le dis, une occasion de renouveau. Et puis là, avec ces émeutes qui se sont dessinées, qui starient, mais qui en fait ne demanderaient qu'à recommencer à l'avenir, soit dans temps proche ou moins proche, peu importe. C'est vrai que ça annonce des prémices en fait, qui de toute façon ne tarderont pas à dégénérer de plus en plus. Et de ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'autorité de la République, oui, ce qui a annulé ces émeutes, c'est qu'au bout de 6-7 jours, voilà, il y avait le souci économique de la vente de drogue dans ces quartiers-là. Donc c'est un peu les cadors de chez eux qui ont mis un terme en fait, au nom du business. Ah ouais, les dealers des cités qui vont dire « Les gars, arrêtez avec vos émeutes, parce que du coup, ça ruine le business. » Mais écoute, mon cher Elzinko, tu as parlé du regard fasciste, donc un peu le regard fasciste qu'on peut porter sur ces événements, et c'est pourquoi tout à l'heure, je disais en introduction « Vive les émeutes », c'est qu'en fait, on peut qu'avoir un bon regard sur ça. C'est deux gangs qui s'affrontent, tu as le gang républicain, les bleus, la flicaille, etc., contre tous ces mahométans, ces métèques, comme dit l'ami Bobby. Et en fait, tout ce qui affaiblit et nuit à la République, finalement, va dans notre sens. Donc ça, c'est un peu ma première analyse. Donc moi, je vais plutôt regarder ça avec plaisir, même si effectivement, voilà, ça peut être en bas de ta rue, etc. Bien sûr, tu vas défendre ton commerce, tu vas défendre ta famille ou tu vas défendre ton local. Là, je fais allusion aux camarades d'Angers, par exemple. En gros, l'ultra-gauche, les sales gauchistes crasseux. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Alors... La guitare, les troubadours, tout ça, c'est fini. Les sales gauchistes crasseux ont encouragé les mahométans, etc., à aller attaquer leur local, l'Alvarium, et ils ont été obligés de le défendre. Et franchement, force à eux, ils ont été très braves, parce que pendant 4-5 nuits et jours, ils ont combattu à 1 contre 10. Quoi. Et donc, tout ça pour dire qu'on avait déjà eu en France des émeutes en 2005. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il y avait Congolais, là, un Congoïde et un autre Mahométan là, qui s'était cramé dans une armoire électrique. C'est le meilleur endroit pour se cacher, vraiment. Ils ont 70 de QI, ces gens, bref. Ils ont confondu le neutre avec la Terre. Autant dire qu'ils ont pas eu leur BTS. Autant dire qu'ils ont pas eu leur BTS. Autant dire qu'ils ont pas eu leur BTS. Pareil, hein, c'était poursuivi par les flics. Et il y avait eu quelques jours d'émeutes, quoi. Mais là, on constate que, voilà, presque 20 ans après, le phénomène il a été amplifié par 10 à peu près. Donc, en fait, c'est une véritable démonstration de force. Et je pense que tous ces groupes islamo, racailles, gauchistes, voilà. Ils testent le système de temps en temps pour voir jusqu'à où on peut aller. Qu'est-ce que le système va déployer contre nous ? Donc là, par exemple, bon, il y avait le RAID, il y avait quelques forces militaires armées. Donc on passe du PA à l'arme automatique, etc., etc. En face, ça réplique donc avec des mortiers, comme tu disais, Rex, ce qui est plutôt sympa. Je trouve que moi, c'est une bonne activité de tirer aux mortiers sur les flics. Franchement, j'espère qu'ils ont touché dans le mille, quoi. Donc ouais, les mortiers. On a vu quelques Congoïdes ou Mahométans avec des fusils, des choses comme ça. Donc ça se radicalise. Des deux côtés, hein, du côté de la République et du côté de l'engeance islamiste, entre guillemets. Et voilà, ça permet de... C'est une température, en fait. Ça permet de prendre la température, c'est un thermomètre. Donc, j'ai plutôt un regard assez positif sur la situation. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous, on doit toujours tirer notre épingle du jeu. Donc, objectivement, autour de moi, j'ai pas mal de gens qui ont commencé à dire « Eh ouais, Dédé, en fait, t'as peut-être raison sur les Mahométans, les Congoïdes. En fait, c'est vrai qu'ils sont assez casse-pieds. » Donc bon, voilà, il faut toujours s'en servir de ce genre d'événement pour réveiller les gens autour de nous, pour les droitiser un petit peu, si j'ose dire, hein, bien que nous ne soyons pas de droite, hein, vu que nous sommes nationaux-socialistes. Mais voilà, moi, c'est un petit peu... Mais ça libère la parole, t'as raison. Ça permet de libérer la parole. Parce que là, c'est tellement énorme que les gens, ils ouvrent, quoi. Enfin, même des gens qui pensaient déjà comme nous avant, mais là, disons que c'est tellement manifeste que tu vois, t'oses un petit peu plus décrire la réalité, quoi. Ben, on va dire que c'est compliqué de faire la politique de l'autruche quand t'as Mokhtar et Mohamed qui ont brûlé ta voiture, quoi, et qui t'ont menacé de te tuer si tu faisais quelque chose. Donc bon, ces gens-là, en fait, se sont pris le réel dans le visage. Et quand tu te prends le réel, bah, ça laisse des traces et forcément, après, tu changes, quoi. Donc voilà. Et je pense qu'on observe quand même une droitisation. Encore une fois, hein, j'utilise le terme un peu mainstream, un peu vulgaire, des blancs de manière générale, quoi. Donc En même temps, tu as la constatation sous nos yeux de la non-assimilation de gens sur des générations et des générations, parce que là, pour le coup, c'est vraiment pas immigré de première génération des années 60 et tout, quoi. C'est vraiment, voilà, ça fait 60 ans que ça dure, et tu vois qu'il y a une différence, il y a un côté inassimilable. C'est un apostolat pour la remigration, genre, même si t'étais pas pour, tu te dis, en fait, il y a que ça. Et en plus, le côté inquiétant, et en même temps, comme dit Dédé, on peut en tirer notre épingle du jeu, c'est que les halogènes sont de plus en plus autonomes, c'est-à-dire qu'au départ, t'avais des associations antiracistes, la marche des beurs, 100% récupérées par les juifs et tout, alors que là, tu peux avoir des masses un peu musulmanes, semi-islamisées, qui ont leur autonomie d'action et communautaire, en fait. Donc ça fait une fracture qui... Et on se demande si la Ve République crève, de quoi va-t-elle crever ? Est-ce que c'est la Russie, la guerre en Ukraine ? Est-ce que c'est les métèques ? Est-ce que c'est l'ultra-droite ? Est-ce que c'est machin ? Mais on se dit, ça peut être un petit peu de tout ça, finalement. Ça peut être un petit peu de tout ça. Donc voilà. Et puis pendant ce temps-là, évidemment, la majorité blanche n'a pas le droit de récupérer. Hein. Il ne faut pas faire de la récupération, c'est très grave, messieurs. Hein. Surtout, n'en parlez pas. Et surtout, comme tu dis, Deo Gracias, donc merci mon Dieu, heureusement qu'il n'y a pas de dissimulation avec ces populations. Parce que franchement, mais vous voulez que votre voisin congolais s'appelle Joseph et qu'il embrasse le catholicisme et qu'il se marie avec une blanche et qu'il ait des petits bâtards, des petits métis? Moi, franchement, j'en veux pas. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne. Ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ce serait pas mal? Je veux qu'il rentre dans son pays, qu'il se convertisse dans son pays, qu'il développe son pays. Donc, Deo Gracias, qu'il n'y ait pas d'assimilation de la part de toutes ces populations-là. Dans les pubs, il y en a, hein. J'ai remarqué, il n'y a que des noirs avec des blancs. Ouais, c'est la propagande habituelle, quoi. C'est encourager, effectivement, le système pousse dans ce sens, quoi. Here comes a new challenger. Je précise que Longinus, comme annoncé, vient de nous rejoindre. Longinus, comment est-ce que ça va? Bonsoir à tous, ça va très bien. Période estivale, il fait très chaud, c'est la canicule, c'est l'abomination climatique que nous font croire nos chers, nos chers catastrophistes climatiques. Tout va bien ici. On est en plein dans le sujet parce qu'on est en train de parler justement de l'Afrique, là, en parlant de chaleur. L'Afrique qui est en France. En fait, le fossé, il se creuse parce que quand ils sont arrivés dans les années 70, bah, il y avait une France qui existait vraiment, donc il y avait quelque chose à quoi s'intégrer. Et, sauf qu'aujourd'hui, bah, la France, elle est complètement dissolue. On peut même se demander si elle existe. Et donc, c'est un petit peu leur véritable nature qui ressort, et qui est même empirée parce qu'en fait, quand tu vas dans leur pays, bah, apparemment, ils ne sont pas aussi insupportables, quoi. Donc, ils sont... je n'irai pas jusque-là, Elzinko. Ah, pardon, bon, il faudra que tu me censures. Hein. Non. C'est intéressant, Elzinko, ce que tu dis par rapport aux années 70. Donc, j'ai des histoires. Moi, j'avais une dame qui était ingénieure divisionnaire dans l'armée qui a... justement, qui s'est déplacé dans le petit coin où j'habite en France, et elle me racontait justement les années 70, quand elle a vu cette vague d'immigration arriver, et bien les problèmes ont commencé. Je crois que c'était sa nièce, elle a commencé à avoir des soucis, justement avec des Marocains aussi. Elle m'a bien fait comprendre que ces gens-là, de toute façon, ne seront jamais comme nous. Jamais. Voilà. Et là, pourtant, c'est quelqu'un qui est issu d'une très bonne famille. Mais vraiment, à la limite aristocratique. Bah, il y avait le roi Mohamed VI au Maroc, hein, qui nous le disait à la télévision française, devant les gauchistes ébahis, les journalistes qui étaient là. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils soient contre, tu vois, l'immigration des Marocains, en disant, mais pourquoi, qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous n'en ferez jamais des Français, etc. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas, non, ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent, et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, d'abord les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% Français. Ça, je peux vous l'assurer. C'est ça, et on en voit aujourd'hui le résultat. Et c'est très bien d'ailleurs qu'il soit inassimilable, qu'on ne puisse pas s'assimiler, puisqu'en plus, le problème que l'on voit en France, c'est un problème que vous voyez apparaître partout, dans tous les pays blancs. C'est le même problème. C'est la même chose. Donc c'est très bien. Je dis, on voit bien le côté racial qui est ignoré par la gauche, parce qu'apparemment, en France, on a enlevé de la Constitution le mot race. C'est d'ailleurs très intéressant, puisqu'après, on a quand même des crimes de haine raciale. Donc, alors, faut savoir. Mais la race ressort bien, la génétique ressort bien. On voit très bien qu'il y a bien une différence de race, une différence d'ethnie, et que ça joue dans les comportements. Mais c'est l'essentialisme qui fait horreur à la franc-maçonnerie. C'est ça. Donc, on voit bien d'ailleurs sur ces émeutes que j'aimerais bien revenir sur une chose, c'est que le petit Naël, on dira c'est triste, il est mort. Non, c'est pas triste. Non, il s'est fait descendre. La police a fait son travail. D'ailleurs, apparemment, le policier, quand il a été jugé par le juge a dit non, il a fait son travail, relâchez-le. En fait, non, on peut pas le relâcher. Ah bon, pourquoi? Parce qu'apparemment, ils avaient encore peur d'encore plus d'émeutes. Moi, personnellement, j'aurais voulu qu'ils le fassent, que les gens, là, d'un coup, se prennent bien la réalité. Hein. On a bien vu des maires se faire attaquer chez eux. On a vu tout un tas de choses, des gauchistes, tout d'un coup, se mettre à pleurer. Mais je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, je me suis toujours occupé d'eux. Parce que c'est leur côté animal qui ressort, en fait. Mais justement, tu t'es occupé d'eux, ils ont vu ça, toi, tu as vu ça comme de la bonté, et aussi un moyen de mettre en avant. Eux, ils ont pris ça pour de la faiblesse, et donc ils ont attaqué le faible. Voilà. Mais c'est exactement ça, il n'y a pas... En France, on a brisé, on essaye de briser à tout prix de l'homme blanc. On n'a plus le droit, même les parents n'ont plus le droit de corriger leurs enfants. Tu n'as même plus le droit de dire à ton enfant, non, tu ne vas pas faire une transition de genre. On peut t'enlever ton enfant pour ça. Oui, non, mais c'est ça. Non, tu ne peux plus rien faire en France. Tu fais la moindre chose, tu es sanctionné en tant que parent. Comment voulez-vous, dans ce cas, qu'on arrive à intégrer le respect de l'autorité dans les enfants? Ben non, ça ne fonctionne pas, donc après, forcément... Hein. Alors effectivement, après, il y a le côté racial, parce que ce n'est pas des Blancs qui se mettent à tout casser, parce que nous, on a le respect quand même de notre pays, puis on sait très bien que presque ce sont nos impôts qui vont financer tout ça. Donc non, merci. Hein. On manifeste pacifiquement, on a vu que les Gilets jaunes, mais on a vu que la répression avait été extrêmement forte, alors que là, ils ont eu ordre. Ah non, surtout, faut pas tirer. Les flics, si jamais ils avaient eu les bons ordres, le problème était résolu assez rapidement. Je pense. Après, ça a escaladé avec la pègre de la banlieue, mais le problème était résolu assez rapidement. Hein. C'est juste qu'il n'y avait pas de volonté politique. Oui, mais voilà, d'en abattre une centaine, enfin voilà. C'est... Ah, mais c'est ça, vous faites les policiers c'est comme Napoléon, quoi. C'est ça. C'est, ça. C'est normal, parce qu'en fait, du point de vue catholique, on veut bien la charité, mais en fait, le point principal de la charité, c'est qu'il y a un ordre dans la charité. Et ça, c'est crucial à comprendre. Et c'est ce que les gauchistes refusent de voir. Donc l'ordre de la charité, il est très simple. Il va pour le prochain. Le prochain d'abord et le lointain ensuite. Si vous arrivez à satisfaire tout le monde, très bien, c'est super, c'est génial. Dans les faits, c'est rarement le cas. Mais d'abord, c'est le prochain. Et le prochain, c'est ta famille, c'est tes amis, ton voisin, ton peuple. Et ensuite, après, tu peux étendre ça. Mais si tu respectes pas cet ordre, en fait, le désordre te revient dans la figure. Et surtout, c'est pas, même si d'un point de vue purement, on va dire, là, j'aime parler d'un point de vue naturel, mais d'un point de vue purement spirituel, c'est dans le catéchisme de Saint-Pédis, hein, la charité ordonnée qui commence par soi-même. Alors, pas l'expression que je viens de définir, mais l'ordre de la charité, c'est très clairement du catéchisme. Hein. C'est pas oui, c'est la philosophie de Holvoltige. Hein. La charité, je dois aimer, puisque c'est un amour qui vient de Dieu et qui passe dans mon cœur, je dois aimer indistinctement tout. Je dois aimer tout. Mais indistinctement, non, non. Et l'évangile est très clair là-dessus. Il y a un ordre de la charité. Et cet ordre, c'est la proximité. C'est la proximité. Voilà, c'est dans l'évangile, ça. Et très clairement dans l'évangile. Puis vous comprenez, c'est hypocrite. Hein. Moi, j'aime bien les gens qui sont à 10 000 km de moi. Oui, bah, ça me coûte pas cher. Hein. Oh, je les aime. Faites rien pour eux. Hein. C'est facile de le dire, ça. Vous pouvez transpirer devant le Saint-Sacrement en disant, voilà, vous pouvez prier pour eux, très bien, ça c'est la charité. Mais, voilà. Quel est l'ordre? L'ordre, c'est la proximité. C'est la proximité. Vous voyez cet homme tombé aux mains des brigands dans la parabole du Samaritain. Quand est-ce que cet homme devient le prochain? Quand il est sur ma route, quand il est là. Il n'était pas le prochain de ce lévite qui passe et qui va, j'ai autre chose à faire que m'occuper de se blesser et qui perd son sang de partout et qui est à moitié mort. Avant, ce n'était pas son prochain, puisqu'ils n'étaient pas proches. Mais quand son âne là, arrive à côté, c'est son prochain, il est proche. Alors là, il doit s'occuper de lui et il trace la route. Pareil pour le prêtre qui suit de l'Ancien Testament. Hein. Et quand est-ce qu'il devient le prochain de ce bon samaritain? Quand le bon samaritain, à son tour, arrive. J'entendais tout à l'heure l'évêque Galliot, qui parle beaucoup d'ailleurs, et sur toutes sortes de sujets, déclarer qu'il n'y avait qu'un seul combat pour lui, c'était le combat de l'homme. Moi, j'avais cru comprendre que pour les évêques, c'était le combat de Dieu. Mais enfin, après tout, peut-être que Monseigneur Galliot est une sorte d'évêque comme je n'en fréquente pas beaucoup. Alors, et quant à la fraternité, personnellement, moi je suis de ceux qui la souhaitent de tout leur cœur. Mais moi je crois aux choses réelles. Je crois aux attachements et je crois aux devoirs hiérarchiques. C'est ce que je dis quand je dis j'aime mieux mes filles que mes nièces que mes cousines, etc. Moi j'aime mieux les Français, j'aime mieux la France. Puis j'aime mieux l'Europe. Et puis j'aime mieux l'Occident. Et puis j'aime mieux le monde libre. On commence d'abord par soi-même, donc comme on dit, et toi-même, le ciel t'aidera. Puis après, c'est le prochain, c'est-à-dire celui qui nous ressemble, qui est proche de nous, qui nous ressemble. Puisque il faut bien savoir quand même que le mot nation vient du mot nacere, qui veut dire d'une même portée. Donc c'est le sang. Donc c'est la tribu. C'est le prochain, celui qui nous est proche, qui nous ressemble. Et puisqu'on, parle de race, alors là, on peut surtout en France, on a l'exemple et le contre-exemple. Donc, le mauvais exemple, on l'a vu avec les émeutes de 2015, que Dédé a rappelé, celle qu'on vient de ressentir pas 2005 à nouveau. 2005, pardon. Celle qu'on vient de ressentir à nouveau maintenant, et puis les prochaines, hein, parce que Rex disait, est-ce que ça va péter à nouveau? Il y avait une question comme ça. Oui, excusez-moi, spoiler, oui, est-ce qu'un métèque va à nouveau faire des conneries et s'en prendre à des flics plus tard? Oui, mille fois oui, ça va arriver à nouveau. Bref, tout ça pour dire que on a le mauvais exemple, donc qu'on a vu récemment, qu'on a déjà vu avant et qu'on verra plus tard. Et puis on a aussi le bon exemple, parce que l'immigration après la Seconde Guerre mondiale, on en a connu l'immigration blanche après la Seconde Guerre mondiale, qui venait généralement d'Espagne, d'Italie, de Pologne, du Portugal. Comment ça s'est passé? Bah, très bien. Très, très bien. Et en plus, ces gens-là, au départ, faut leur demander à la première génération, aux papys, là. Est-ce qu'ils ont subi la discrimination? Oui, ils ont subi la discrimination, comme les autres. Et pourtant, ça fait partie de tous ces gens. C'est une assimilation qui s'est même pas faite sur 2-3 générations. Ça s'est fait tout de suite. Les fils d'immigrés, première génération, c'était déjà plié, c'était réglé. Ils étaient devenus des Français comme les autres. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a le facteur racial, tout simplement. Et il y a aussi la même chose qu'une greffe, en fait. Une greffe d'organes, quoi. Tu peux pas greffer ou tu peux pas recevoir un sang qui n'est pas du même groupe que le tien. Si, exactement. Si tu as un peuple qui arrive et avec lequel tu partages le même patrimoine génétique, tu peux éduire une identité spirituelle commune. Mais si cette base matérielle fait défaut, ben, le corps, il meurt. Je voulais juste revenir sur ce que tu disais, Bobby, tout à l'heure. C'est, en fait, voilà pourquoi en fait, tu peux abattre ce mec-là. Tu parles de la distinction entre l'amour du prochain et du lointain. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de... Les mecs comme Mélenchon, en fait, ils cachent, en gros, leur haine du prochain, enfin, leur haine d'eux-mêmes et derrière l'amour du lointain. C'est souvent ceux qui n'aiment pas, en fait, la vraie religion, comme Voltaire, ils cachent derrière la tolérance, ils aiment toutes les religions. Vous voyez ? Plus de vivre autrement que dans un endroit où les gens sont mélangés. Donc j'habite à Paris, dans le 10e arrondissement, je ne pourrais pas habiter dans le 6e ou dans le 7e, je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus, c'est au-delà de mes forces. Ce que je voulais rappeler, c'est qu'il y a une autre chose que les gens ne veulent pas comprendre et ils n'arrivent pas à comprendre à cause de notre logiciel individualiste, et c'est le principe en fait, qui te donne vraiment le droit de mettre à mort quelqu'un, un criminel, c'est la distinction entre l'individu et le groupe, et la nation. En fait, la nation, c'est un bien. Comme un individu, c'est un bien. Bon, un Africain qui arrive, voilà, il a sa vie. Bon, je ne vais pas dire que sa vie, elle vaut rien. Oui, c'est un certain bien, sa vie. Mais si tu le mets dans la balance avec le bien d'une nation, ben, ça ne vaut rien, en fait, sa vie. Donc, si tu as un individu qui menace le bien commun, au nom du bien commun, ben, tu as le droit de supprimer sa vie. C'est de la justice, en fait. Mais vu qu'on est dans... En fait, maintenant, il n'y a plus que l'individu, depuis la Révolution française et depuis la Déclaration des droits de l'homme, le bien ultime, le bien absolu même, c'est devenu l'individu. Oui, il n'y a même plus de Dieu, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de réalité paradigmatique au-delà de l'individu. Ben, en fait, on ne peut plus rien faire. Voilà, le moindre criminel cubain qui a envie de venir aux États-Unis, il peut venir. Ouais. Le moindre Algérien qui jongle avec des couteaux, il peut venir aussi. Ouais, c'est ça, droit de l'homme. Alors si, le droit de l'homme sont respectés pour les étrangers, mais pas pour le peuple autochtone qui cherche à se défendre et qui est en train de se faire exterminer, parce que c'est un génocide qu'on subit actuellement. C'est que les gens aujourd'hui, ils cherchent à cocher la petite case dans le formulaire de leur bonne conscience. C'est exactement ça. Comme vous choisissez, tiens, je fais une petite marque, c'est bon, ça c'est fait, c'est comme la liste de courses, tiens, c'est fait. C'est exactement ça, ils veulent cocher les bonnes cases, ce qui est d'ailleurs typiquement juif, hein, c'est typiquement un logiciel juif. Je cache les bonnes cases, comme ça je remplis les points, et j'aurai mes bons points, j'aurai une récompense. Il n'y a plus la charité pour la charité. Cette charité est désordonnée, effectivement, parce qu'on va s'occuper de gens qui n'ont pas notre même sang, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même, donc en plus qui n'ont pas la même intelligence, hein, parce que le QI... Il suffit de voir la carte des QI, la QI, bah, du QI, on va découler la culture, la compréhension du monde. Donc, on essaie d'intégrer des choses qui ne sont pas assimilables, donc le résultat des courses, ça explose dans tous les sens. Et au contraire, si on regarde, d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe un peu partout en Europe, dans les pays qui ont l'immigration, la Suède, alors qu'elle n'a jamais fait, elle a jamais colonisé qui que ce soit, donc là, quelle est l'excuse pour la Suède? Il y a la Suède, la Finlande a connu ça, elle a commencé à enlever les aides de l'État, du coup tout le monde a foutu le camp. Je crois que c'était le Danemark qui avait fait la même chose. L'Irlande commence à connaître le même problème. Le Royaume-Uni, on n'en parle même plus. C'est bouclé pour eux, j'ai l'impression. Et par contre, on a le contre-exemple qui est le Japon. Voilà, le Japon, ils sont très discriminants, très racistes, ils ont tout à fait raison. Et d'ailleurs, il me semblait qu'il y avait récemment un noir américain, un éthiopien, je sais pas, un youtubeur ou je sais pas, qui n'arrêtait pas d'embêter les Japonais. Il était noir, il devait être français, non ? Non. Même pas, c'était un américain, éthiopien, bref. Il était en train de... Il sera français, Dédé. Il était en train d'embêter les... Plus français que toi, Alzinko, d'ailleurs. les Japonais, en fait, en se moquant d'eux par rapport à Hiroshima et d'autres choses. Les Japonais commençaient à l'asperger d'eau, lui foutre des raclées, et au bout d'un moment, il a fini par partir du pays. Comme quoi, la violence, ben, ça fonctionne. Quand on veut être dissuasif. Oui, en Thaïlande, c'est pareil. Hein. Les mecs, il y en a beaucoup d'ailleurs de racailles des cités qui vont passer leurs vacances là-bas et qui sont chopés pour de la drogue. Et ils se rendent compte qu'en fait, là-bas, il y a des vraies prisons. Oui, et puis ils vont chercher des ladyboys aussi, parce que nos raquets de cité, ils aiment bien se taper des transgenres, apparemment. Et ouais, c'est nous les mecs de cité. Voilà, l'Assemblée constituante, on disait dès ce jour-là, dans ce décret en fait, qui abolissait le droit d'aubaine, en fait, le droit d'aubaine, c'était quand il y avait un étranger qui venait en France et qui mourait en France, et la couronne avait le droit de se saisir de ses biens. C'est une aubaine, c'est ça le droit d'aubaine. Et donc la Révolution française a considéré que c'était indigne d'une nation éclairée. Et donc, elle dit dans l'abolition de ce droit que la France doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre en les invitant à jouir sous un gouvernement libre des droits sacrés et inviolables de l'humanité. On peut refuser le projet là, parce que ça ne m'enchante pas si tu veux. Bah, ça ne fonctionne pas en fait, même littéralement. C'est en train de se casser la figure dans tous les coins, dans tous les côtés. Et cette révolution française qui a d'ailleurs été exportée et qui était aussi les prémices de la révolution bolchevique. Il faut savoir quand même que Lénine est venu en France étudier le génocide vendéen et qu'il jouait la Marseillaise quand il était retourné à Moscou. La révolution a commencé à Petrograd, donc l'ancien nom de la ville de Saint-Pétersbourg. Et lorsque les manifestants marchaient sur le lac gelé pour rejoindre la grande manif de l'autre côté du pont, ils ne pouvaient pas emprunter le pont parce que les flics avaient pris le pont, tous les manifestants, qu'est-ce qu'ils chantaient? Ils chantaient la Marseillaise, en langue russe, d'accord, mais ils chantaient la Marseillaise. Donc ils avaient compris quand même les héritages de la Révolution. Ils avaient compris le principe. Et d'ailleurs, ça a été encore plus, ces droits de l'homme ont été encore plus entérinés avec le tribunal de Nuremberg. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous perdu collectivement. Les gens seraient bien qu'ils s'en rendent compte. Je pense qu'il y en a beaucoup maintenant qui commencent à rendre compte. Je crois que les Juifs ont gagné. Oui, c'est ça. Et on a tous perdu collectivement. Donc les pays blancs ont tous perdu collectivement. Et aujourd'hui, on est sous une domination Qui attention. Et on se rend bien compte que les nations n'ont plus le droit d'existence. Les autochtones, le droit du sol, le fait d'avoir une histoire, etc. On n'a plus le droit. D'ailleurs, on essaie aussi de nous effacer notre histoire. Oui, on sait où ça mène. Ça a mené, pardon. Là, on peut en venir au tribunal de Nuremberg, en effet, mais on l'avait déjà dénoncé en ce sens, et puis selon les propos de Maurice Bardèche aussi, hein, c'est-à-dire, l'Européen n'a plus le droit d'être ce qu'il est et de se considérer sur son territoire depuis que, en 1945, on a condamné le national-socialisme, et à travers ça, en fait, la civilisation européenne. C'est Nuremberg ou la Terre promise, j'imagine. C'est ouais. Ça, oui. Oui, c'est ça. Excellent bouquin, hein, je peux le recommander. Ce livre exceptionnel. Finalement, on en a beau aborder un peu tous les sujets dans les différents podcasts et on revient souvent à Nuremberg. Finalement, c'est un peu le cœur, la source du mal, parce que j'imagine que la Révolution française, finalement, les alliés, la Révolution française, l'un est une conséquence de l'autre, mais tout ce qu'on mange actuellement, à partir du moment où on nous a dit, il n'y a plus de race, il n'y a plus de religion, en fait, il n'y a plus rien. Il y a juste de la matière, et quelque part, votre vie n'a pas de sens, on n'est juste que de la matière. Je vois pourquoi, après, on pourrait refuser à Mamadou le droit de s'installer dans le pays, de bafouer les règles sociales, sociétales, la religion, bien sûr, j'en parle même pas, et puis de polluer l'ethnie d'un peuple. Voilà. Il n'y a plus de race, de toute façon. Qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. Voilà. Ça, c'est les conséquences de la Seconde Guerre mondiale que nous avons, comme l'a dit Longinus, perdue. Voilà. Oui, en fait, Nuremberg, c'est la sanctification de 89. En gros. Enfin, ça passe dans le caractère sacré. Quoi. Tu peux plus. On a couché sur le papier une réalité, ouais, quelque part. Mais bon, ça remonte quand même. 89, c'est pas sorti de nulle part. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans nos milieux catholiques traditionnalistes qui font les critiques qu'on est en train de faire. Hein, bon, peut-être sur le côté racial, il y en a qui vont pas trop loin. Mais en gros, pour eux, 89, ça sort d'un coup, en fait. Mais avant, tout était parfait. Alors comme moi, Vatican II, il y a souvent des gens qui vont même parler avec Vatican II. Avant Vatican II, tout allait bien, puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Ah ouais, non, mais parce que les gens ne prennent plus le temps de se poser, de lire, de réfléchir et de comprendre que tout ce qu'on nous a appris à l'école est faux. Il manquait beaucoup d'éléments, notamment par rapport à la Révolution française, où c'est soi-disant de la libération du peuple. Du coup, on se rend compte qu'en fait, tout a été fait pour faire en sorte que le roi Louis XVI apparaisse sous un mauvais angle au peuple et qu'il permette la justification de la Révolution française, notamment via, Turgot, le franc-maçon Turgot de la Loge Phénix, qui a mis en place le libéralisme. Et c'est la cause de tous nos maux, puisque le libéralisme a entraîné une famine, d'ailleurs, je pense qu'on pourra en reparler dans le sujet économique, a entraîné la destruction en fait, de l'économie de biens communs qui permettait à tous de se nourrir et d'avoir un prix fixé sur les aliments. Résultat des courses, on a eu des gens qui se suicidaient parce qu'ils avaient faim. Est venu en plus se greffer par-dessus un hiver terrible qui a détruit les récoltes. Les gens se sont rendus compte que le roi pouvait prendre des décisions qui allaient contre l'intérêt du bien commun et qui voire menaçaient même l'existence même du peuple. Ce qui a permis d'initier dans les esprits une possible renversement du roi. Oui, mais tu peux pas faire remonter, tu peux pas dire que c'est Turgot la cause première. Non, mais c'est un des éléments, si tu veux, oui, et ça remonte bien longtemps, mais Louis XVI, il paye les pots cassés de Louis XIV, en fait. Ah, de Louis XIV, oui. Après moi, le déluge. Oui, mais tu dis qu'il y a beaucoup de gens qui lisent pas, c'est vrai, mais par exemple, si tu prends la mouvance légitimiste, en France, les mecs, ils passent leur temps à lire. Hein. Ils ont tous leur littérature contre-révolutionnaire. D'ailleurs, il y a des trucs bien dans cette littérature-là. Ils réfléchissent, mais ils tirent aucune conclusion. C'est-à-dire mais ils font pas la corrélation des informations. Ils prennent pas le bon sens, que normalement, on est tous dotés de bon sens, et de dire, bon, on va essayer de faire quelque chose. Bon, on va retourner au roi. Bon, oui, très bien. Peut-être plus le fasciste serait peut-être mieux dans les temps modernes que le roi actuellement, parce que c'est pas vraiment ce qu'il nous faut. Fasciste, hein. Oui, on peut avoir un fasciste ou un empereur carrément même. Hein. Mais bon, il faut dégommer Louis XIV. Enfin, il faut dégommer l'absolutisme. Oui, c'est très clairement. Oui, très clair. Non, c'est sûr. Louis XIV, il cristallise en fait cette politique anti-bien commun. En fait, le mec, il se prenait pour Dieu. En gros, il déclenchait des guerres d'agression en Belgique. Enfin, le mec, il était en roue libre. Au Vatican, il s'est allié aux Grands Turcs en plus. Oui, voilà, il s'est allié aux Grands Turcs. Au Vatican, durant le conclave. Pour élire le nouveau pape, ils attendaient d'avoir l'opinion de Louis XIV, ils se pissaient dessus de ce qu'il allait faire. Quand le pape il promulguait un décret ou quelque chose, ben c'était Bossuet qui allait derrière le pape français, comme il appelait, pour valider tout ça. Il y a eu la déclaration de 1682 où, en gros, ben, en fait, le pape ne sert à rien. Et voilà, en fait, il est absolu. C'est vraiment le mot absolu, je trouve, ça définit bien ce que c'était, quoi. C'est-à-dire que le mec, il se considère comme coupé du bien commun. On l'appelait le roi soleil, c'est ça? Oui, voilà, le roi soleil, il est le centre de tout. Et c'est ça qui a causé la mort de la France. C'est ça qui a fait qu'au début du XVIIIe siècle, ben, les francs-maçons ont envahi. En fait, pour moi, comment je vois la tête d'un pays? Une tête légitime, ben, c'est une tête qui agit pour le bien du corps. Et une tête qui agit pour le bien du corps, elle veut, c'est au niveau de la tête qu'on veut. Et après, les membres, ils n'ont pas leur volonté propre, ils suivent. Tu vois. Moi, pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi les gens à l'Église, même dans la tradition, ils étaient mous, tu vois, et pourquoi ils ne se réveillent pas sur le plan politique, pourquoi ils n'agissent pas. Mais c'est parce que la majorité des hommes, ils ne sont pas faits pour agir, ils sont faits pour suivre un leader, pour suivre quelqu'un, pour suivre une impulsion. Non, bah, complètement, excuse-moi, je t'interromps une seconde, juste pour ajouter cette petite phrase à Zinko. Demain, tu changes Macron et toute sa clique. Tu leur mets un gouvernement ultra-communiste. Le surlendemain, tu leur mets Adolf Hitler. Tout le monde suit. Et après, le lendemain, tu leur mets Macron. Tout le monde suit. Voilà. C'est dans la nature des choses. C'est comme les femmes. Elles ont besoin d'avoir une direction, sinon elles pètent un câble. Les enfants, c'est pareil. C'est l'ordre naturel. C'est ça. Donc Louis XIV, son boulot, c'était quoi? Ben, c'était de vouloir pour le corps et de servir le bien commun, sauf qu'il n'a pas fait. Donc c'est comme s'il y avait tous les membres qui ont été déconnectés de leur sève, et qu'est-ce qui est venu se mettre par-dessus comme une toile d'araignée maléfique? C'est la franc-maçonnerie. Ou voilà, derrière la franc-maçonnerie, tu as évidemment le pouvoir occulte juif, et derrière, tu as Satan. Et tu vois, si tu regardes les chiffres du nombre de francs-maçons en France, on est passé au début du 18e, de quelques-uns à 20 000 en deux secondes. Ah, parce que Louis XIV cristallisait toute la tension, donc jusque-là encore, ça pouvait tenir d'une certaine façon, et en fait, à partir de Louis XV, l'aristocratie s'ennuyait, elle s'est mise à lire ce qui était en circulation, dont les encyclopédistes, qui en effet étaient des francs-macs et tout ça, donc là, les mentalités ont changé, et c'est comme ça qu'à la cour même du roi, en fait, on n'en était même plus un partisan, quoi. Oui, mais ils avaient prévariqué, la noblesse aussi, enfin, le poisson pourri par la tête, il ne servait déjà plus à rien, cette élite-là. Et pour moi, la meilleure preuve S'il y avait eu, en fait, le jour où il y aura une tête qui rentrera en France, c'est-à-dire un chef légitime, et que le peuple entendra sa voix, il pourra se passer quelque chose. Et ça, ça s'est passé en Allemagne, avec Adolf Hitler. Et je me suis amusé à regarder les chiffres des francs-maçons, le nombre de francs-maçons entre 10, à partir du moment où Hitler arrive au pouvoir, ben, ils sont passés de presque 100 000 à zéro en quelques années. Donc c'est la preuve que dès que tu as une tête légitime qui reprend contrôle du corps, et ben la tête vicieuse de la franc-maçonnerie, ben elle dégage. Voilà. Ah oui, mais donc ça, on refuse de comprendre. C'est ça, mais oui, mais parce que comme tu le dis, la plupart des gens ne sont pas faits pour agir, ils sont faits pour suivre. C'est tout. C'est tout. Il y a, c'est généralement les minorités agissantes qui font l'histoire. On va reprendre le cas, on peut parler du cas de l'Europe après la chute de l'Empire romain. Qu'est-ce qui est arrivé? La Gaule romaine a perdu 75% de sa population entre les guerres de tribus, les famines, la maladie. Il a suffi d'une poignée de moines irlandais pour réévangéliser et sauver l'Europe. Voilà, il a fallu une poignée de moines. C'est toujours les minorités agissantes qui font le travail et qui font l'histoire. Donc soyons, nous, ces minorités agissantes, parce que c'est très bien beau de lire ad nauseam tous les ouvrages, mais si c'est pour juste lire sans agir, je ne vois pas l'intérêt. Mais il faut une structure organique aussi. Il ne faut pas simplement être une minorité agissante, un petit nombre. Il faut qu'il y ait une... Ben, c'est comme la pyramide de la franc-maçonnerie. En fait, c'est une singerie de l'organicité fasciste, la franc-maçonnerie. T'as une tête unique qui propulse sa volonté dans le reste du corps de la franc-maçonnerie en utilisant le mensonge, parce qu'en chantant chaque étage, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais il faut qu'il y ait de la verticalité, même dans un mouvement comme le nôtre. Tu vois, oui, bien sûr, c'est ça. Il faut regarder. Je suis tout à fait d'accord. Regarde, on parlait justement de la révolution bolchevique. La révolution bolchevique, ils n'étaient pas nombreux les types. Il y avait moins de 1000 personnes au départ qui étaient motivées, militants et armées. De quelle religion? De qui? Qui? De quelle religion? Excuse-moi, je ne comprends. C'est vrai qu'il y a beaucoup de juifs. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Des gens qui étaient, déjà, ils n'avaient pas peur de mourir. Ils avaient l'objectif. Un objectif clair, ils étaient prêts à tout donner pour remplir cet objectif, ils étaient très formés intellectuellement, bien sûr je suis en contradiction totale avec la doctrine, c'est pas le propos, vous avez compris où je veux en venir, et ils étaient pas nombreux, mais ils étaient ultra motivés, et 1000 bonhommes en armes pour prendre un pays comme la Russie, mais en 1917, hein, il y avait déjà quand même une sacrée population en Russie en 1917, je sais pas si vous vous rendez compte en fait à quel point finalement la minorité agissante c'est vraiment l'étincelle. Mais c'est pour ça, Bobby, qu'on est beaucoup plus fort que ce que tu crois. En fait. Ah oui, bien sûr. Si demain, il y a une guerre de tranchées, finalement, entre tous ceux qui veulent absolument maintenir la République, dont les flics, et puis nos fameux Zoulous dont on vient de parler, avec un événement tel que des émeutes puissance 1000, et il peut y avoir des groupes alternatifs, c'est toujours passé comme ça dans l'histoire, qui peuvent finalement rabattre les cartes et puis tirer leur épingle du jeu. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je ne crois pas à titre personnel, au bien fondé d'une politique politicienne visant à avoir 50% des voix plus 1. Il n'y a pas besoin de 50% plus 1. Les souverainistes, genre Asselineau et tout ça, non, j'en peux plus. Donnez-moi le commandement de juste 1% des Français, mais des gens ultra motivés, bien formés et qui en veulent à ultra fachos. Le lendemain... Même t'en as 500 comme ça, c'est... Le lendemain, le régime change. C'est pour ça que le système, il se pisse dessus. C'est pour ça qu'il y a eu l'histoire de qui. C'est-à-dire, qui, c'est quoi? C'est que le système qui a peur d'un mot. C'est-à-dire qu'il vit dans la peur, ces gens-là. C'est pour ça qu'ils passent tout leur temps à censurer un site comme démocratie participative. Parce qu'ils savent que si jamais il y avait une petite masse d'individus en France qui étaient soudainement animés par un idéal commun... face à la masse d'atomes, en fait, d'individus sans force qui est l'Occident, en fait, hein, c'est la masse des golems que eux ils animent, voilà, ils leur mettent 50 fois par jour à la télé un truc sur le Covid ou sur le réchauffement climatique et ils se mettent à répéter comme des perroquets, mais c'est pas une vraie force politique, ça, c'est rien, c'est un fantôme, c'est un cadavre avec des fils pour l'animer. Donc ouais, ça pourrait changer si jamais... Mais bon, la condition pour pouvoir devenir fort comme ça, c'est être prêt à mourir. Ça, il y a pas de... C'est être prêt à poser sa vie sur la table pour le bien commun. Exactement. Et d'agir en groupe. Malheureusement, l'esprit européen est très conditionné par l'individualisme, comme on a dit en début de l'émission. Et nos adversaires, eux, par contre, ils arrivent beaucoup à agir en groupe. Par exemple, les fameux METEC, ils ont souvent l'islam comme dénominateur commun. Alors, c'est pas que ça comme, comme élément de motivation, mais ça les fédère. Voilà. Et je pense que si nous, on avait au moins la religion, au moins, ce qui est déjà beaucoup, hein, comme élément commun, finalement, le catholicisme comme bouclier, comme rempart à l'invasion mahométane, les choses pourraient, pourraient changer. C'est pour ça, d'ailleurs, je crois, titre personnel, qu'il y a beaucoup à faire sur le côté local, vos voisins, vos amis, et même si vous n'avez pas forcément des liens tous les jours, si vous avez des liens forts, ça suffit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je sais que mon ami Dédé, il expérimente ça, il ne va pas rentrer dans les détails non plus, de manière concrète, je ne dirais pas tous les jours, mais en tout cas très, très souvent avec, avec des amis, et ça paie. Et les gens avec, si vous avez des amis avec qui vous pouvez dire finalement, bah, lui, je pourrais le suivre jusqu'à lui donner ma vie parce que je sais que c'est un type honorable, vous avez déjà gagné une partie de la guerre. Ouais, ouais, c'est exactement ça, recréer des communautés locales, des gens de confiance. Mais tu sais que là, tu parles aux gens, moi je suis quelqu'un qui est assez brut de décoffrage, mais la plupart des gens sont tout à fait d'accord. C'est juste qu'ils ont peur. Mais peur de quoi? Peur de perdre ce qu'ils ont. Sauf qu'on est devenu tellement matérialiste, on a perdu notre religion, on a perdu nos principes fondamentaux, les gens se rabattent sur le matérialisme, sauf qu'ils vont mourir. Et bah, oui, tout ce qu'ils c'est ont, la parole du Christ. Ils vont, c'est ça, ils vont le perdre. Il ne donnera pas sa vie, il la perdra. Enfin, voilà, c'est... Jésus ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Marc 8, 34. Dire que le Seigneur il a fait le sacrifice ultime en donnant sa vie pour nous sauver du péché originel. Donc quand on dit que notre Seigneur c'est l'exemple suprême, et bah, il faut aussi suivre cet exemple. Et voilà, il dit aussi, il enseigne qu'il n'y a pas plus grand amour que mourir pour ceux qu'on aime, donc pour nos amis, etc. Et comme tu disais Bobby, effectivement je peux expérimenter le communautarisme de manière concrète. Et c'est vrai que c'est vraiment bah, c'est efficace. Ça permet de... comment dire, ça permet d'être un groupe uni, un groupe fort. Et en fait, on se rend compte que face au système qui est complètement individualiste, à partir du moment où tu as un groupe qui est uni, mais tu défonces tout, quoi. Donc effectivement, le petit nombre, la minorité agissante, c'est elle qui fait l'histoire. Et il faut reproduire ces groupes partout en France, ces clans. Et je suis sûr et certain que le bon Dieu nous donnera une fenêtre de tir. Et il faudra la prendre et pas louper cette occasion, quoi. Voilà, voilà. De ce que je peux voir, avec les émeutes qu'il y a eu, on a pu voir en fait que tout d'un coup, il y a des... bon, malheureusement ils sont embêtés, mais qu'il y a des gens qui sont quand même intervenus à droite et à gauche pour défendre un petit peu certaines choses, comme à Angers, et qu'il y a des groupes, je peux le voir, qui se forment de plus en plus physiquement et qui se rencontrent. Donc c'est positif. Plus on va vers la dégringolade générale, plus tout d'un coup il y a, on s'unit autour de quelque chose. Donc c'est positif. De toute façon, le fait que tout ceci est en train de s'effondrer, que la République montre sa vraie nature, que tout apparaît comme étant laid comme il soit et complètement dégénéré et que tout est en train de s'effondrer, c'est une excellente chose. C'est sûr, mais il faut faire attention à une chose. À l'effondrement de l'Empire romain, il s'est produit la même chose. Il y a eu une invasion barbare et il y a tout le corps qui s'est disloqué. Si on veut éviter de repartir dans une période glaciaire civilisationnelle pendant 500 ans, ce serait bien d'avoir, disons, une unité non seulement religieuse, mais aussi politique, avant l'effondrement. Avoir une unification pour un petit peu déjà sauvegarder notre héritage et pour pouvoir unir en fait ces futures poches qui vont inévitablement se former. Et pour moi, c'est le fascisme. Parce que le TD parlait de la croix de notre Seigneur, où en donnant sa vie pour nous, en mourant pour nous, il nous donne la vie éternelle. Pour moi, le fascisme, c'est la traduction politique de la croix. C'est chaque individu trouve sa vie dans la communauté en déposant son individualisme. Et disons que ce serait bien si on pouvait, avant qu'il y ait le grand effondrement, avoir être intégrés les uns les autres. C'est mon espoir. Moi, si les gens nous écoutent déjà sur ce podcast, c'est déjà un grand pas. Hein, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on avait déjà parlé de ce truc-là en off, mais on peut aussi le parler en clair. On est quand même, nous, dans une sorte de niche, on va dire, de catho-facho. Et le simple fait, si vous écoutez ce podcast-là, ça veut déjà dire que vous avez déjà parcouru une bonne partie du chemin. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis un peu lourd aussi en début d'émission, pour faire les rappels et tout ça. Parce que, pour faire un parallèle directement avec la religion, l'Église, elle est aussi apostolique. À un moment donné, le Christ, il donne des ordres aussi. allez-y, et puis il faut baptiser, allez, hein, machin, vous connaissez le... Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 18. Si nous, on ne fait pas ce travail de réinformation, et si vous qui nous écoutez, vous ne faites pas aussi, finalement, ne partagez pas les fruits de vos connaissances, il nous manque un caractère. Voilà. Il faut évangéliser en politique, en religion, et il ne faut surtout pas se reposer sur ses lauriers, et ce n'est pas une option, en fait. Moi, je vois ça comme un devoir. Voilà. Oui. On a déjà parlé ici du fait que la plupart des membres de l'émission étaient des baptisés adultes, en tout cas, c'est ce que j'ai compris lorsque j'ai reçu mon instruction, mon catéchisme, c'est qu'en fait, le côté apostolique, c'était une obligation. Voilà. On ne peut pas juste dire OK, moi j'ai compris, je suis sûrement sauvé, fin de l'histoire, et puis pour les autres, tant pis. Quoi. Non, c'est pas comme ça. Ouais. C'est d'ailleurs quelque chose qu'avait compris, pour faire une petite digression, faire une parenthèse sur un. Le personnage historique qui m'inspire le plus, pour moi, c'est Christophe Colomb. Et Christophe Colomb était profondément animé par cette doctrine-là. Christophe Colomb était profondément catholique, pratiquait énormément, il était très sérieux dans sa pratique, très croyant, très, très pieux. La principale motivation, d'ailleurs je recommande, si vous n'avez pas vu l'adaptation cinématographique qui a été faite en 1492, interprétée par Gérard Depardieu, parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps et je pensais que le film allait très mal vieilli, finalement c'est passé très très bien. Et c'était à l'époque où Gérard Depardieu était encore assez jeune, beaucoup de charisme. Et la motivation principale de Christophe Colomb, c'était pas la richesse, c'était pas les femmes, c'était quelqu'un qui croyait en Dieu et qui était en fait obsédé, et j'ai envie de dire même rongé, par le concept d'ignorance invincible qu'il avait compris. Et il pensait justement, donc lui il rejoint les Indes, il pensait justement à ces fameux Indiens qui n'avaient pas la connaissance du Christ, et il n'endormait pas la nuit. Et il se disait, bon, peut-être qu'ils auront l'ignorance invincible pour sauver leurs âmes, mais moi j'ai le devoir, puisque j'ai la connaissance de la navigation, d'apporter la bonne nouvelle. Et d'ailleurs c'est la première chose qu'il a fait quand il a posé un pied sur terre, c'est qu'il a posé le pied sur terre, il a fait descendre les prêtres, il a érigé une croix, et il a commencé son voyage comme ça. Le premier, le deuxième et le troisième voyage, c'est exactement ce qu'il a fait à chaque fois. Mais je pense que tu touches du doigt un truc central par rapport à ce qu'ont pas compris même beaucoup de catholiques. C'est-à-dire que c'est pas une option. Non seulement, oui, bah là tu parles de l'aspect surnaturel, c'est-à-dire de rendre témoignage du Christ, mais il y a ce même devoir aussi par rapport à la vie de la cité. C'est-à-dire qu'on c'est pas une option de ne pas servir la cité et se rendre disponible pour elle. Et moi, je peux parler de ce qui s'est passé pour moi, parce que c'est l'auteur qui m'a fait comprendre ça, c'est Joseph Merel. Et donc, une fois que tu as compris la théorie, que voilà, c'est fondé en raison, que voilà, c'est notre devoir, c'est notre finalité, comment le traduire dans la pratique ? Enfin, tu as envie de le traduire dans la pratique, mais en fait, il y a une révolution intérieure. Je ne dis pas que je l'ai faite, hein, on l'a fait chaque jour. Mais c'est-à-dire, à un moment donné, il va falloir faire des choix où tu te rends disponible pour la communauté. Tu ne peux pas savoir exactement où est-ce que Dieu va t'appeler, où est-ce que ta communauté va t'appeler, mais tu sais qu'il y a un ordre qui existe et que toi, nécessairement, tu as une place dans cet ordre-là. Mais si tu ne te rends pas disponible, si tu dis « Ok, ben moi j'ai envie de profiter, j'ai envie de partir là-bas, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, parce que là, c'est là-bas, c'est la merde et tout », ben en fait, tu vas pas te donner la chance de réaliser ta vocation terrestre, parce que pour le coup, ça, c'est la vocation terrestre. Et donc, tu pourras pas. D'ailleurs, tu vas mettre en danger ta vocation céleste, hein, parce que les deux sont liés. Donc, je pense que chacun a cette sorte de conversion intérieure à faire par rapport à notre vocation terrestre et politique. Petite anecdote, mon cher Bobby, j'aime bien Christophe Colomb. En fait, il y a pas mal d'historiens aujourd'hui qui pensent que Christophe Colomb était juif. Oui, un marin, j'ai déjà lu ça. C'est ridicule. C'était un marin, ouais. C'est ridicule parce qu'en fait, ils mettent. Financé par des marins, etc. Ouais, ouais, ils mettent en avant sa connaissance de l'hébreu, qui était aussi réputé. Alors, il connaissait l'hébreu, il connaissait aussi très bien le grec, parfaitement le latin aussi. Et en fait, il connaissait très bien les écritures, il parlait que de ça. Que des écritures, il s'était énormément l'Ancien Testament. Il n'y a pas beaucoup d'écrits de Christophe Colomb qui ont passé à la postérité. En fait, on a souvent des écrits de son fils. Je connais bien le sujet. Et c'est juste qu'il était passionné des Saintes Écritures, et c'est aussi pour ça qu'il connaissait l'hébreu. Et certains en ont déduit qu'il était juif. C'est ridicule. Et quand bien même il aurait été juif converti, bah, il a rempli sa mission quand même comme les autres. Hein. Il n'y a pas de problème. Ouais, je relevais juste l'anecdote, on va dire. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir. Voilà, c'est un personnage qui est connu. Et selon Laurent Glosi, il était aussi reptilien. Ouais. Je sais pas si tu as assez d'infos, Dédé. Oui, il paraît qu'il a découvert une grotte secrète où ils font de la génétique secrète, effectivement, avec des géants et des ovnis. Oh, Seigneur. Vous avez tout sur le mensonge extraterrestre dans lequel marche l'Alliance et qui est construit depuis déjà plusieurs décennies par les Illuminati. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce premier directeur de la NASA, excusez-moi, pas de la CIA, de la NASA, mentionne une invasion donc, des extraterrestres. Et dans mon ouvrage, donc, j'expose que ces extraterrestres seront tirés donc, de la génétique secrète. Donc Werner von Braun parle ainsi, premier directeur donc, de la NASA, qui est une officine du mensonge. Et d'ailleurs, c'est même écrit sur leur emblème, puisque le mot NASA avec cette langue de serpent qui ressemble à un T, NASA plus T égale l'anagramme donc de Satan. Et pour revenir sur les émeutes, là on a quand même la double punition parce que tout ce qu'ils ont cramé et tout ce qu'on va devoir repayer. Le pire étant un maire, il me semble, où sa femme et sa fille se sont retrouvés à l'hôpital parce que des métèques sont arrivés. Enragés avec une voiture bélier, qu'ils ont foutu le feu à la maison où ils étaient. Le mec, surtout pas d'amalgame. Tu fais, non mais vous êtes sérieux là? Vous êtes complètement malade. Il avait appelé à l'envahissement ce maire-là. En plus, ouais. Plusieurs fois avant. Ces gens sont complètement malades. C'est pour ça qu'il y aura une justice expéditive à fournir, mais surtout des asiles psychiatriques à rouvrir, parce qu'il y en a beau, on a vraiment besoin d'asiles psychiatriques. Hein. On n'aura pas les moyens. Désolé, je peux pas le prendre. Oh non, ne me dites pas ça. Je l'ai bien examiné, il n'est pas fou. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Parlez clairement, docteur. D'accord. En clair, il est incroyablement con. Docteur, il faut me débarrasser de lui. Je suis sûr qu'il serait mieux à l'asile. C'est un asile de fou, pas un asile de con. Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Guyane. Ouais, t'aimes bien cette idée du bagne, Lizinko? Ah oui, non, moi, je pense, j'en parle tous les jours. Je pense. Non, mais très clairement, c'est ce qu'il faut faire parce que là, c'est une catastrophe. Je veux dire, les mecs sont. T'as des gens comme ça qui défoncent ta baraque, qui limite tuent ta femme et tes enfants. Pas d'amalgame. Ouais, effectivement, tout va très bien là-dedans. C'est, les défenses naturelles n'existent plus. Quoi. C'est, dans son corps, il n'y a plus aucun globule. La moindre maladie l'envahit et il dit merci, quoi, le maire. Mais d'ailleurs, c'est amusant parce que tu as quelques mairies, des fois, qui accusaient voilà, on ne va pas financer la reconstruction, on ne le fera pas. Et elles étaient tout de suite très mal vues. Genre, même une mairie de Saint-Gratien, un truc comme ça en Île-de-France, tu as 20 articles de toute la presse dessus. À limite, à dire que la mairie était raciste, en fait, c'est juste parce que. Elle n'allait pas reconstruire ce que toutes les médiathèques ou que sais-je que Mamadou avait explosé, quoi. Donc ouais. C'est vrai que le thème un peu justice sociale catholique, l'économie, l'antilibéralisme et tout, c'est vrai qu'il faudra en parler à l'avenir un petit peu pour mettre les choses au clair sur ces points-là, c'est sûr. Ce qui est intéressant quand même quand tu racontes que tout de suite ils sont accusés de racisme, tu fais attendez, si c'était des Blancs qui avaient fait ça, qu'avec s'était mis amusé à cramer des trucs. Ah d'ailleurs, quand on revient aux gilets jaunes, il s'est passé quoi pour les gilets jaunes? Tout le monde a oublié ce qui s'est passé, comment ils ont été traités médiatiquement, comment ils ont été massacrés par les flics, le nombre de gens qui ont perdu des yeux, des trucs comme ça. C'est dingue de voir ça. Ouais, mais là, c'est pas pareil, c'est des fachos. Ben voilà. D'ailleurs, Dédé avait commencé son intervention tout à l'heure par dire finalement, bah, l'extrême droite, grâce à ses émeutes, elle a gagné 10 points, plus ou moins, c'est ce qu'il voulait dire. Je suis d'accord avec Dédé. Ce que je voudrais absolument rajouter, c'est que par contre, un mois après, le français a tout oublié. Donc les 10 points vont être à nouveau perdus. Parce qu'en fait, là, voilà, nous sommes au mois de juillet. Donc en juin, le français gueule, ouais, il y en a marre de machin. Juillet, donc il est sous la Côte d'Azur. Il revient. tranquillement. Ou alors, il prend peut-être un peu de vacances en août. Il a tout oublié. Ils ont fait barrage à la haine, tout ça. Hein. Ça fait 20 ans, 50 ans qu'ils font barrage à la haine. Ah, faut-il qu'on ait la légalisation de la pédophilie qui arrive ? Est-ce que ça sera ça, la limite qui fera tout exploser ? Ils diront toujours rien, parce qu'en fait, c'est la... Les gens, ils sont attachés à leur péché, c'est ça qu'il faut voir. Ils sont attachés à la divinisation de leur moi. Donc, tout ça, c'est des conséquences. En fait, le système, il est garant de cette religion où ils s'adorent eux-mêmes. Je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, alors c'est surtout les anciens qui ont du mal avec ça. C'est sous ceux qui les mangeurs de curés qu'on les appelait 68ards. Par contre, les jeunes générations, de mon âge, plus jeune, un petit peu plus vieux, on voit par exemple le pèlerinage de Chartres qui a eu tout d'un coup 30% de plus. Ils ont dû fermer les inscriptions. Il y a un renouveau, il se passe quelque chose. En général. En règle générale, il y a un fond, il y a un mouvement de fond où les gens disent ça suffit et ils se rendent bien compte que plus rien n'a de sens. À voir le degré de manipulation aussi que les médias aiment surtout orchestrer. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, avant chaque élection, il y a souvent le film Nuit et brouillard qui ressort, bizarrement. Et c'est souvent présenté comme un hasard. Non, mais on parle de Marine Le Pen facho ou Éric Zemmour facho. On essaie de sortir les violons, vous savez, on sort la musique là, de la liste de Schindler, là, la musique de belle musique d'ailleurs de John Williams là. La loi m'obligea à vous le dire, monsieur, je suis juif. Bon, moi je suis allemand. Voilà. Vous voulez ces gens-là ? Mes gens, je veux mes gens. Qui êtes-vous, Moïse ? On dit que votre usine est un havre. On dit que vous êtes bon. Qui dit ça ? Tout le monde. Je ne l'ai jamais vu et je ne verrai jamais ce truc. C'est bien, c'était bien la science-fiction, c'est intéressant. Tu mets à la télé de trois juifs, là, comme ça, qui pleurent avec des pyjamas rayés. Et puis le français, il fait ah non, quand même, non, plus jamais ça. Hop, et à la fin, il met son petit vote Macron, mais à contre-cœur, tu vois. Il sort, il est interviewé, il y a un journaliste franc-maçon qui lui tend le micro. Alors, monsieur, bon, bah, à contre-cœur, j'ai voté Macron, je l'aime pas, mais voilà, à contre-cœur, quoi. Genre, quelqu'un lui a mis un revolver sous la tempe et l'a forcé à mettre un bulletin. Voilà. Par contre, je peux vous dire que ce qui s'est passé en France a eu des retentissants à l'international, et j'ai beaucoup de gens qui disent ouais. Tu peux nous dire ce qui se passe là ? Non, bah, c'est passé sur toutes les télés. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'immigration incontrôlée, les aides sociales incontrôlées aussi, puisqu'ils viennent ici pour ça. Hein, ils ne viennent pas dans certains pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est où il n'y a pas d'aide sociale, non. Ou d'ailleurs, la population leur ferait la peau s'ils s'amusaient à faire une connerie. Qu'on a pu le voir récemment, il me semble que c'était en Pologne, où des immigrés ont tenté de faire des attouchements à des gamins, où la police anti-émeute a dû intervenir, sinon les mecs se faisaient lyncher par la foule. T'as promis pour les JO, hein ? Honnêtement, je suis même pas sûr qu'ils auront lieu leurs JO. Bon, vu la situation, je pense pas. Non, dis pas ça. Peut-être des lancers de bananes. Ouais, on est la risée du monde, mais bon, on le méritait. Hein. On le mérite, on a perdu notre foi, on a accepté la Révolution française, on a accepté tous les mensonges et on continue à s'enfoncer de plus en plus. Donc forcément, on mérite ce qui nous arrive, très clairement. C'est très bien, ça fait mal, mais on le mérite. Finalement, la première faiblesse vient de nous. Voilà. C'est-à-dire que si jamais il y avait eu des catholiques conséquents, formés et militants, fascistes, lors de différents troubles, quels qu'ils soient, l'ennemi n'aurait pas pu avancer. Donc moi, je veux bien qu'on mette en avant à chaque fois les forces judéo-maçonniques qui existent, qui sont réelles, qui sont actives et qui, clairement, ne veulent pas notre bien, tout à fait. Je pense que Rex est très, très, très formé sur ces sujets. Bah, c'est bien la citation qui dit que le mal avance parce que les gens de bien ne se lèvent pas. Voilà. Alors, voilà. Je pense qu'il y a les deux côtés. Ouais. Les deux côtés. Le mal avance parce qu'ils ont un objectif, d'accord, avec un plan et puis ils ont des moyens. Et il y a aussi, nous, on laisse un peu trop tout passer, surtout les questions qui sont liées à la morale, parce qu'en fait, c'est le cœur du propos. Hein. Là, c'est très grave, parce qu'on en arrive quand même aux enfants maintenant, avec leur... Là, c'est l'extrême limite, c'est, pour ceux qui ont des enfants, c'est horrible. Parce que, comme je dis, on en arrive à la corruption des enfants, on en arrive à la destruction de l'avenir d'une nation, d'un pays, d'une civilisation. On ne touche pas aux enfants. C'est le sujet suivant. De toute façon, la République, elle les a. De toute façon, la première chose qu'elle a fait pour. Parce qu'à la Révolution française, ils n'ont pas touché trop à l'éducation. Ils ont coupé les têtes qui dépassaient. Mais à partir du moment où ils ont vraiment réussi à matrixer la population française, c'est à partir du moment où ils ont récupéré les enfants, ils les ont mis dans des bâtiments de 8h à 16h avec un laïc franc-maçon pour qu'il leur parlait toute la journée. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire oublier Dieu à tout le monde. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout ? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Très bien, messieurs, je vous propose de faire une courte pause musicale avec une musique qui rend bien zinzin. Et puis on se retrouve dans 2-3 minutes. À tout de suite. To go with the wall of hurl, a stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness, pun, and the cabbage crap. The I don't wanna be paddy trap, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, to swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, to lock and burst your filthy mug, if you draw one more shamrock in me, beer. Drinks and pay the cost we got as an Irish pub. The quick run in the filthy bug, the patting grass across the lug of the lady, oh, the dirty dog we got as an Irish pub. It's over to me, and over to you. We'll skip along the avenue, and who the hell is running through? We got as an Irish pub. While I'll be fucked, I swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. While I'll be fucked, you'll often burst your filthy mug if you drop one more shamrock in me, beer. We'll call it an Irish pub. Plastic cups are polished for. We'll hold the blood right out the door. I'll let the knuckles back for more. We've got us an Irish pub. While I'll be fucked, you swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, you'll often burst your filthy mug if you draw one more shot. I'll give me beer. Own. Kiss me, I'm Irish, Molly Malone. A bunch of slants, a punk, my home. We got us an Irish pub. It's split the punches, trick the willows, strike me up the rakes, and mellow the lift. He never ran so shallow. We got us an Irish pub. While I'll be fucked, you swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. While I'll be fucked, you'll often burst your filthy mug if you drop one more shot. Give me beer. Nous voici de retour pour la deuxième partie de l'émission Oremus, et donc on a envie de parler un peu d'éducation. L'éducation qui est un sujet majeur, avec une mauvaise nouvelle de la part des systèmes éducatifs alternatifs qui essayent de survivre malgré l'opposition vive de l'État, notamment les écoles hors contrat. Donc, vous savez, on va dire il y a trois strates, en gros, hein, de systèmes éducatifs différents, de l'école publique traditionnelle, l'école privée, donc qui reprend programme officiel de l'éducation nationale, mais qui fait une sorte de filtre à l'entrée parce qu'il faut payer payer l'entrée. Et puis l'école privée hors contrat, là aussi fonctionne avec un filtre à l'entrée, qui n'est pas souvent d'ailleurs une question d'argent, mais qui aussi propose des programmes qui ne sont pas validés spécialement par l'éducation nationale. Les sujets sont libres, à part des, on va dire, des matières tout à fait communes. On apprend toujours à lire, à compter, à écrire, etc. Mais qui ont beaucoup de liberté, en fait, dans l'enseignement. Donc, on leur enseignera pas qu'il faut absolument être un transsexuel, homosexuel, transgenre, tribinaire, tout ce que vous voulez pour survivre dans la vie. Mais on préfère leur apprendre quand même des valeurs morales et pourquoi pas aussi les belles lettres, les bons mots, être formé dans des belles têtes et dans des bons corps. Voilà, c'est un peu la doctrine des écoles hors contrat qui sont bien sûr attaquées par l'État parce que ce sont souvent des questions confessionnelles. 99% d'entre elles sont catholiques. Le ton est donné. Ces enseignants sont ouvertement antisémites. On me présente ma classe. Bonjour, je suis le nouveau surveillant. Pour ce premier jour, on me confie trois élèves d'une classe de cinquième. Ils m'accueillent avec un petit dessin au tableau noir, une croix gammée, rapidement dissimulée. Nous essayons alors d'en savoir plus sur le deuxième point qui pose problème. Cette école, hors contrat d'État, peut adapter les programmes à sa guise. Y a-t-il risque de dérive? Qu'en est-il des professeurs et de leur enseignement? Je connais les professeurs d'histoire, ce sont des gens... je connais. L'un des professeurs d'histoire, c'est mon ancien professeur d'histoire, à dans le contrat, dans le sous-contrat. Vous imaginez que s'il a enseigné pendant 40 ans à avec les manuels de l'éducation nationale, s'il aurait eu n'importe quelle idée idiote, ça fait bien longtemps qu'il aurait été viré. Ok? Donc chez nous, il enseigne la même chose, sauf qu'il a moins d'élèves, plus la latitude d'améliorer ses programmes et son enseignement. Un exemple précis, l'Holocauste. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des débats, il y a ce qu'on appelle le révisionnisme. Ça, c'est pas notre tasse de thé aujourd'hui, c'est de tout temps. Pour nous, la lecture de l'histoire n'étant pas idéologique, il n'y a pas lieu de faire un focus particulier disproportionné dans le temps et de prendre, par exemple, un trimestre entier pour parler de l'Holocauste en oubliant les 60 ou les 100 autres années du programme d'histoire. On a eu affaire à une attaque de l'État. Je vous lis une citation de l'article. Donc, les gens qui se plaignaient de recevoir des visites de la part d'inspecteurs qui disaient, je cite, « On avait l'impression de voir arriver des shérifs. » L'article continue, c'est un article de Boulevard Voltaire, continue par dire que les contrôles des écoles hors contrat se multiplient. Les personnes qui ont subi des contrôles avaient l'impression de se faire agresser et de que les gens cherchaient des prétextes pour trouver des polémiques, pour faire fermer les écoles hors contrat, puisque bien sûr, si jamais la liberté qui est octroyée aux écoles hors contrat est vraiment trop libre, ça peut déclencher des procédures qui, parfois, dans les cas extrêmes, peuvent mener à la fermeture des établissements. Donc, le prétexte que cherche l'État, qui cherche bien sûr à contrôler le système éducatif français alternatif. Voilà. Donc, vaste sujet libre. Je vous laisse rebondir là-dessus. Si vous voulez reprendre des éléments de l'article, d'ailleurs, n'hésitez pas. Oui, bah très bien, mon cher Bobby, je me propose de réagir en premier. Notamment dans ces écoles hors contrat, il y en a pas mal qui sont étiquetées Fraternité Saint-Pidis, j'ai eu quelques retours à ce sujet où, bon, en effet, on voit arriver des espèces de capots communistes et des agents obsédés par la laïcité, hein, c'est le laïcisme et tout. Donc voilà, est-ce que vous enseignez bien les valeurs de la République? On sait ce que ça signifie aujourd'hui. Hein, c'est, voilà, si vous n'aimez pas les travelots, vous n'êtes pas dans le cadre, entre autres choses. C'est là où je disais, bah, presque on regrette la Troisième République, parce que vu comment l'école publique est de plus en plus insoutenable, quoi, personne... De traditionnalistes qui a des enfants ne s'imaginent les y envoyer quand même, parce que ça sera un petit peu envoyé ça marmaille au casse-pipe, si j'ose dire. Donc on réfléchit un peu tous à des solutions de comment faire pour ceux pour qui la question se pose. Et oui, parce que sur la Troisième République, bah, je veux dire, enfin, c'était quand même pro-gréco-latin, on enseignait tout ça, la devise pas officielle, mais enfin semi-officielle de la Troisième République, c'était quand même travail, famille, patrie, hein. Vichy n'a fait que réactiver un truc qui était de côté. Tu l'as dit, Bobby, après, voilà, il y a la question de l'instruction et de l'éducation, parce qu'il y a une confusion, je pense, qui est faite assez sciemment, de remplacer le rôle des parents, là où c'est vraiment l'éducation, hein. C'est un peu fait pas ci, fait pas ça. Enfin, c'est un peu vulgaire de le réduire qu'à ça, mais l'instruction, là, c'est vraiment de former la tête on apprend la langue, la grammaire à quelqu'un, les mathématiques, les choses comme ça. Et c'est pas autre chose. On n'apprend pas les valeurs de la République. Ça n'a aucun sens. On apprend un enfant à avoir un cerveau à l'endroit, à connaître des choses, à pouvoir échanger avec ses semblables et tout ça. Donc voilà, c'est un flicage aussi qui est assez post-Covid. On en parle un peu moins, mais l'école à la maison aussi a été assez menacée. Depuis notamment la crise Covid, il y avait ce gros flicage qui était mis en place parce que voilà, rien ne doit exister en dehors de la République universelle. Et vous avez même la demi-solution des fois qui s'offre à nous de peut-être trouver des écoles sous contrat. Mais là, le problème, c'est que c'est tenu par des modernistes. Il y a un catéchisme qui n'est plus vraiment un catéchisme parce qu'on y fait... des fois c'est un peu plus conservateur, mais des fois c'est de l'œcuménisme, d'autant qu'il ne faut pas, entre guillemets, choquer, puisque des familles musulmanes en profitent pour mettre leurs enfants dedans, des fois. D'ailleurs, ils ont peut-être raison d'en profiter, parce que ça leur fera un gamin qui chopera des meilleurs postes, on va dire, que vendeur de shit ou adhérent à la CAF, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés ? Mais voilà, c'est la situation dans laquelle on est. Voilà, en même temps qu'on parle de l'ultra-droite qui n'a le droit de rien faire et tout est annulé, eh bien, on n'a pas le droit également d'éduquer ces gamins comme on le souhaiterait. Rien ne doit exister en dehors de cet État républicain qui s'auto-pourrit et qui veut tout pourrir avec lui. On avait évoqué en début d'émission l'importance du communautarisme, donc le fait de faire sécession justement. Et en fait, dans l'objectif, dans les valeurs et dans les piliers du communautarisme, il y a effectivement l'éducation des enfants, ce qui est normal. Donc, tous ceux qui ont un projet communautaire, qui ont un projet de fonder un clan, doivent forcément se rapprocher des écoles hors contrat ou en créer, etc. Et effectivement, ça fait depuis quelques années qu'il y a que l'État, on va dire, attaque de plus en plus ces écoles. Donc au début, c'était peut-être une inspection par an, etc. Et maintenant, ça commence à être deux inspections par an. À la base, il y avait deux ou trois inspecteurs. Maintenant, c'est une dizaine. Et ils passent vraiment toute l'école au crible. C'est-à-dire qu'ils vont ouvrir tous les cahiers des élèves. Ils prennent en photo les bérets, les tenues, les uniformes que portent les élèves. Ils vont vouloir faire des entretiens individuels avec les élèves. Bon, alors que normalement, c'est ce genre de choses est strictement interdit, hein, parce que on ne va pas mettre un adulte avec un mineur, par exemple. Et en fait, si par exemple dans un des cahiers qui est observé par l'inspecteur, il va avoir un petit autocollant du Front National ou un autocollant chrétien, etc., ça ne va pas passer au nom de la sacro-sainte laïcité, comme tu disais, Rex. Il vérifie vraiment si les valeurs de la laïcité sont respectées, etc., à tel point que des inspecteurs vont demander, par exemple, mais oui, mais ça veut dire que quand votre élève il va en confession, mais il est tout seul avec le prêtre, quoi. C'est voilà. Donc en fait, bientôt, au nom de la laïcité, les élèves pourront plus aller se confesser, plus recevoir le sacrement de confession, etc. Et en fait, le moindre prétexte est bon pour couper ces écoles. Donc généralement, moi, je parle d'un exemple en tête, hein, c'est l'école des dominicaines, donc des bonnes sœurs. Les bonnes sœurs, elles font tout pour s'adapter à chaque fois à ces différents contrôles qui arrivent. Elles sont généralement quand même assez prévenues en avance. Après, on ne sait pas quand ça va arriver. Bon, maintenant, vu que c'est deux fois par an, en fait, on s'y attend tout le temps. En fait, c'est du jour au lendemain, il y a un contrôle qui peut arriver. Donc, il faut vraiment que l'école soit bien tenue. Je sais, par exemple, que pendant la folie au Covidiste, où il fallait absolument porter les masques, toutes les sœurs avaient un masque dans la poche, dans leur poche de soutane, de robe de bonne sœur, au cas où il y a les inspecteurs qui arrivent pour vite le mettre, quoi. Il faut s'adapter en permanence, sachant que leur mission première, c'est d'éduquer les enfants. Donc, comme disait Rex, apporter une vraie éducation, une vraie instruction justement, et puis voilà, donc elles sont assez héroïques, hein. De manière générale, tous ceux qui gèrent dans ces écoles hors contrat, les directeurs, les profs, sont héroïques, et je pense que c'est très important que les parents s'impliquent dans la vie de ces écoles, parce que c'est une extension de la communauté, une extension du clan, et ça prouve déjà qu'il y a un réel désir de faire sécession, donc voilà, je pense que c'est primordial de défendre nos écoles hors contrat. Et l'État a bien compris d'ailleurs que c'était une des pierres angulaires de nos communautés, en fait. Alors, si vous me permettez de comprendre la suite, effectivement, qui est Pape Ndiaye ? Il était avant, il me semble, il n'était pas SOS Racisme, ce monsieur ? Si je ne me trompe pas ? Je ne sais pas dans quelle branche il était. Ouais. En tout cas, il est bien tombé dans la branche de l'arbre. Ouais, par contre, sa femme est juive. Madame Jeanne Lazarus. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Ah, d'accord. Bon, tout s'explique. Tout s'explique d'ailleurs. Exactement. Et en plus, ces enfants vont aussi dans une école hors contrat. Là, à ce moment, cet homme est absolument omnubilé par la question de l'éducation sexuelle des enfants. Alors, comme moi, personnellement, comme en plus d'ailleurs, il me semble que c'était Saint-Pie XII qui justement avait dit non, l'éducation sexuelle, on ne doit juste pas toucher. Il y a juste Pie XII, mais d'où vient lui. Pardon. Pie XII qui avait dit justement que on ne devait, qui avait dénoncé et interdit toutes les formes d'éducation sexuelle pour conserver l'innocence des enfants. L'innocence des enfants, c'est le bien le plus précieux de l'humanité, c'est quelque chose que nous devons conserver absolument. Pourquoi beaucoup de gens vont dans les écoles hors contrat? Effectivement, parce que les écoles de la République sont nulles, littéralement. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le niveau s'effondre, en plus il y a de la mixité raciale. Vous avez de plus en plus dans les écoles d'agressions sexuelles en maternelle, même dans les coins les plus reculés de la France. C'est devenu une catastrophe. Les enfants sortent, on va dire, plus détruits par le système scolaire. Moi, ce que j'ai connu personnellement est quand même bien différent de ce que les jeunes générations connaissent dans l'école. Et personnellement, je n'ai pas spécialement apprécié l'école. Et ce n'est pas l'école qui m'a servi à quoi que ce soit pour apprendre mon métier, pour apprendre les langues, pour apprendre tout ce que j'avais besoin. Et c'est vrai que... Pourtant, je suis de gauche, hein. Vraiment. Je suis vraiment de gauche. Mais j'aurais du mal à scolariser mon enfant dans une classe peuplée à 80% d'enfants qui parlent pas à la maison. La langue maternelle n'est pas le français. Ça me poserait vraiment un problème. Et aujourd'hui, c'est une machine à broyer et à créer des bons petits soldats qui sont effectivement, qui respectent les valeurs de la République. Alors c'est aujourd'hui, c'est quoi la valeur de la République? L'Holocauste, le métissage, le LGPD. LGPD, voilà. Et bientôt la pédophilie, effectivement. Donc là, ce qui se passe aussi, c'est que depuis le Covid, même c'était avant, c'était la loi contre la... C'était quoi? Contre le séparatisme, qui soi-disant visaient musulmans, mais en fait, je pense pas vraiment que les inspecteurs vont aller embêter les musulmans parce qu'ils risqueraient de ne pas sortir vivants de l'école. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés? C'est surtout, ça vise surtout en fait tous ces parents blancs qui décident de faire soit l'école à la maison, soit envoyer leurs enfants dans des écoles hors contrat. Et pour ce qui est de l'école à la maison, elle a quasiment été entièrement détruite puisqu'il y a énormément de contrôles qui sont faits par les inspecteurs. Et les inspecteurs, parce que moi je suivais ça de très près, parce que moi, lors de questions, j'envoie mes enfants à l'école. Et que, eh bien, beaucoup de parents ont été confrontés à des inspecteurs qui ont dit non, votre enfant, et pour un prétexte, hein, votre enfant lit trop lentement, ou elle ne veut pas répondre à ça, etc. Un enfant, c'est un enfant, donc des fois les enfants sont timides, bref. Eh bien, on décidait non, vous devez envoyer votre enfant à l'école. Et aujourd'hui, avant, vous deviez écrire une lettre au maire pour dire je décide de scolariser mon enfant à la maison. Très bien, le maire, il enregistrait la lettre, merci. Aujourd'hui, vous devez écrire au rectorat et. C'est le rectorat qui va décider, le département, si oui ou non, il vous autorise. L'école à la maison coûte très très cher, parce que vous devez quand même suivre un programme minimum qui est imposé par l'éducation nationale, à travers un tas de brochures payantes, un tas de formats d'ailleurs, du CNED, qui coûte un bras. Donc si vous êtes un couple de médecins, ben, c'est très bien, vous pouvez faire l'école à la maison, vous aurez les moyens. Malheureusement, tout le monde n'est pas médecin, ou avocat, ou que sais-je. Donc c'est vraiment réservé à des gens qui sont vraiment très très à l'aise. Si vous êtes par exemple deux cadres, bah, c'est limite. Voilà. Deux cadres ou supérieurs, c'est limite. Mais c'est pas... très à l'aise. Mais c'est fait exprès, hein. C'est fait exprès justement parce que l'État, il va poser sa propagande et toutes les strates qui sont indépendantes font peur à l'État. Mais c'est pour ça qu'on a mis les femmes au travail. Les femmes étant au travail, qui s'occupent des enfants aujourd'hui? Mais c'est l'État, c'est plus les parents qui font l'éducation. C'est pour ça qu'on est plus, c'est plus l'instruction nationale, c'est l'éducation nationale. Ils sont là pour transformer vos enfants. De toute façon, on l'a bien dit, on a entendu je ne sais plus quel ministre dire non, les enfants n'appartiennent pas aux parents. Je crois que la laïcité, c'est aussi ce qui protège l'enfant, c'est ce qui protège tous les enfants et garantit aux enfants les mêmes droits et l'accès aux mêmes valeurs. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Ils appartiennent à l'État. Et même avant ça, alors moi je ne suis pas spécialement pour donner la responsabilité aux femmes de faire de l'instruction. La place de la femme, c'est la cuisine! Les gens oublient souvent tout ce qu'on doit à l'église, parce que durant la fameuse époque sombre du Moyen-Âge, avec la méchante église Qui c'est qui faisait l'instruction? Il n'y a pas de... Les prêtres. Il n'y a pas des Gaules. C'était les prêtres qui faisaient l'instruction. Pendant des siècles, gratuitement. Et aujourd'hui, on vient nous dire « Oh, mais la méchante Église, elle est contre le savoir, contre la science. » Voilà. Si vous vous intéressez un peu à la création des universités ou des lycées, bah, vous vous rendrez compte qu'en fait, c'est les catholiques qui ont créé ça. Et qui étaient les premiers, d'ailleurs, à ne pas faire de discrimination de classe quand ils trouvaient des esprits brillants. Quasiment tous les artistes de la Renaissance, par exemple. Ont été des gens qui ont été repérés à l'adolescence pour leur esprit brillant, qui n'avaient pas un sou, et qui ont été intégrés dans des universités où ils devaient se parfaire et ont été les génies qu'on connaît aujourd'hui. Mais la Sorbonne sous Saint-Louis, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui essaie qui en crée le plus d'écoles possibles pour essayer d'instruire les enfants, le plus possible, même les enfants pauvres. Aujourd'hui, sauf que l'école ne fait plus son travail. Voilà. C'est devenu une machine de perversion et de destruction des enfants. Vous ne pouvez plus pas ne pas mettre vos enfants à l'école. Vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle le unschooling, comme il existe dans des pays comme l'Irlande, des États-Unis, où vous avez possibilité dans certains pays d'Europe centrale, via certaines démarches, de faire ça. C'est-à-dire de garder vos enfants à la maison et de donner votre propre programme comme vous voulez. Pour revenir à l'école sous l'Église, au Moyen-Âge, l'école se faisait à partir de 7 ans, obligatoire de 7 ans jusqu'à 14 ans, et à partir de 14 ans, ils apprenaient un métier. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui vont faire des diplômes qui quasiment ne servent plus à rien. Ils sortent, ils ne savent rien, le diplôme n'a plus aucune valeur. Alors, et c'est le problème qu'on a en France, c'est, vous voulez avoir mon salaire, mais il vous faut votre diplôme. Même si vous avez de l'expérience derrière, non, il vous faut votre diplôme. Dans les autres pays, vous allez à l'étranger, vous avez quoi comme expérience? Ah, voici le salaire qu'on vous donne. La France est ultra élitiste, alors qu'elle n'y a aucune raison, étant donné qu'ils n'ont absolument plus le niveau. Et les jeunes, de moins en moins, du fait de la charge, du fait de la condition de vie en France, du fait de l'État français, du fait des charges, des taxes que vous payez, les jeunes, de moins en moins, sont intéressés à travailler. Certains patrons, même trouvant des intérimaires, ils ont de plus en plus de mal à trouver des gens qui ont envie de travailler, de faire du bon boulot. Alors moi, cette offensive de la République... Contre l'école hors contrat, ça me fait un petit peu penser à l'offensive de Bergoglio contre la messe en latin, où en fait l'église conciliaire est devenue une telle catastrophe que les gens sont de plus en plus attirés par la messe traditionnelle. Là, en fait, l'école républicaine est devenue une telle catastrophe que je pense que dans leurs chiffres, ils doivent se rendre compte qu'il y a un phénomène similaire. J'ai trouvé quelques études où la France elle est replacée par rapport aux autres pays. C'est une catastrophe à tous les niveaux. On est sur un barème qui évalue la lecture et les mathématiques. On est en dernier en fait de tous les pays soi-disant développés. Donc ça rassemble l'Europe, l'Amérique du Nord. Ça s'appelle l'Organisation de coopération et de développement économique. La France pourtant, elle est tout en bas. On a les chiffres arabes. Ouais, pourtant on a les chiffres. Enfin, on a les arabes. Je sais pas si on a les chiffres. Oui, ouais, la présence des Arabes et des Africains par rapport au QI joue un rôle aussi, mais il y a en fait, pour moi, la République, elle s'est servie de l'éducation nationale. Il y a eu deux phases en fait. La première phase, elle a été très élitiste. C'est l'école de Jules Ferry, où en fait c'est vraiment l'excellence républicaine. Le modèle était vanté dans le monde entier, notamment durant les expositions universelles. En 1889 et 1900, où la France elle remportait tous les grands prix, toutes les médailles d'or. Et cette phase maintenant, où en fait, on a l'impression, et c'est pas qu'une impression, où en fait, le but de l'éducation nationale, c'est de détruire l'intelligence même des enfants qui n'arrivent plus à parler. Si vous comparez les erreurs que font les élèves maintenant dans les dictées, là, j'ai trouvé un petit texte de Fénelon qu'ils avaient donné en 1920. À des élèves, ils faisaient 6 fautes dessus. Ils ont donné le même texte en 96, et encore depuis 96, ça s'est aggravé. Ils faisaient 14,8 fautes, donc on a une augmentation de 140%. Quoi couper. C'est la traîne du quoi couper. Quand quelqu'un dit quoi, tu dis quoi couper. Et vous faites ça quand du coup? Parce que c'est la traîne sur TikTok. Au 19e siècle et au 18e siècle, la France était chrétienne, et il fallait d'abord enlever Dieu. C'était la première étape. Et l'élitisme républicain s'est un petit peu servi de la... Comment dire, de la lumière de la langue française, de l'élitisme naturel. Voilà, on met en avant la science, on met en avant les belles lettres, pour en fait, au final, faire de l'ombre à Dieu. Et une fois que, en faisant briller des petites lucioles devant les yeux des élèves toute la journée pendant 40 ans, 50 ans, on a arraché Dieu du cœur des enfants, on a construit l'humanité sans Dieu, Dixi Jules Ferry. Alors on passe à la deuxième phase, on détruit l'intelligence elle-même. Parce que sans l'intelligence, on ne peut plus atteindre la vérité, qui est le but de la vie. Donc en fait, on ne peut plus sauver son âme. Donc voilà, moi, je pense qu'on est à la fin de ce processus-là. Et voilà, il va falloir. C'est très important de mettre ces enfants dans les écoles de la tradition, parce que ce sont des poches où on préserve l'intelligence, on préserve la foi et les potentiels germes de l'ordre futur. Et donc on ne conçoit plus que l'éducation, c'est un devoir parental. Alors là, je vais parler sous le contrôle de Rex, je pense qu'il connaît bien cette question-là. Mais je crois que si vous avez le cas, par exemple, d'un parent qui souhaite baptiser son enfant, mais qui refuse de lui donner une instruction chrétienne, normalement c'est le but, hein, on baptise l'enfant, et puis jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de raison, on lui donne une instruction chrétienne. Je crois que le prêtre a le droit de refuser le baptême, parce qu'en fait, normalement, c'est aussi pour ça le baptême, pour les enfants, pour qu'ils reçoivent aussi l'éducation. Est-ce que je vais trop loin ou... Non, ça existe, mais bon, après, vu tout le nombre d'églises modernistes et les gens passent par là, bon, je pense qu'il n'y a plus trop cette vérification, on va dire, qui se fait nos jours, mais oui, traditionnellement, si. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous baptisez votre enfant parce que vous dites, bon, je crois en Dieu, je peux sauver son âme, puis en même temps, vous le laissez comme ça naviguer sans soutien jusqu'à l'adolescence, donc jusqu'à une période où forcément, il va y avoir beaucoup de troubles, donc beaucoup de dangers, et le risque de faire un péché mortel est grand, donc... C'est comme donner un coup de pied aux fesses à son fils et lui dire « Bon, bah, t'as une chance sur deux d'aller en enfer, quoi. C'est pas dingue. » C'est ce qu'a fait la génération des 68ards, quoi, avec leurs enfants. Il y en a beaucoup qui les ont baptisés par conformisme social, ils les ont tous abandonnés. C'est nos parents, quoi. Voilà, on voit ce que ça a donné. Hein. Ouais, par exemple, mes parents, je crois que j'avais déjà évoqué dans l'émission, qui m'ont dit « Oh, bah, Bobby, on ne baptise pas, et puis quand il sera adulte, il choisira plus tard. » Bon, ça, c'est ouais, très dangereux, ouais. Très dangereux. Pareil pour moi. Heureusement, Dieu m'a rappelé à lui. Mais c'est au niveau de l'école en question, en France, c'est très compliqué parce que tu n'as pas forcément des écoles hors contrat près de chez toi. C'est très compliqué. T'as ah oui, il n'y en a pas gens, beaucoup, effectivement. Les gens n'ont pas forcément les moyens non plus. Donc avant, l'école, pour ceux qui tentaient de vouloir protéger leurs enfants, l'école à la maison, c'était une bonne chose. Il y a des écoles plutôt éducation style naturel Montessori qui commencent à se former. C'est-à-dire que des écoles dans la forêt où ils sont tout le temps dehors, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça leur apprend pas mal de petites choses. Mais le problème de l'école aujourd'hui, c'est qu'on a très peu d'apprentissage, dans le sens d'apprentissage technique. Et c'est ça, les métiers qui nous manquent. Les plombiers, les électriciens, ça nous manque énormément. Les gamins ne savent plus faire quelque chose de leur main. Ils sont complètement déconnectés. On leur met de la théorie, ils ne savent plus quoi faire. Ils sortent de l'école, ils sont rincés. Ce que disait Elzinko, c'est que le but est de détruire l'intelligence. Et on le voit. Et ce n'est pas que en France. Je l'ai constaté ailleurs aussi. Je l'ai constaté dans d'autres pays dans lesquels j'étais un petit peu. On voit les dégâts que ça a fait. On voit ce qui se passe. Il y a une dégringolade du savoir-vivre, du savoir-faire, de l'intelligence. On crée des consommateurs complètement abrutis. Oui, on les enferme en fait dans le monde de l'image. C'est ça. Dans le monde des écrans où tu n'accèdes pas à l'être. Tu n'accèdes pas aux sphères de l'intelligence qui sont... Pour y accéder, il faut développer le langage en particulier, d'où l'importance de la lecture. Mais si tu restes tout le temps devant ton écran, t'es comme en prison en fait. Prison. Ben c'est ça, tu consommes. Est-ce que c'est ce que disait Arnaud Ipinski? Il disait qu'il l'a vu, lui, qui était prof de maths, il l'a vu, on a volontairement détruit l'éducation classique et je l'ai vu que ça volontairement a détruit l'intelligence des enfants. On leur expliquait plus des choses, les enfants, on leur expliquait certaines choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre parce que ce n'était volontairement pas bien expliqué. À titre de comparaison, dans les écoles privées hors contrat, donc vous savez, les écoles publiques ou les écoles privées un peu prestigieuses, parisiennes, élitistes, bobos, communiquent sur leur taux de réussite au baccalauréat, donc ils font une compétition entre eux, regardez, moi j'ai 75%, moi j'ai 80%, etc. Les écoles privées hors contrat, c'est très simple, pour les taux de réussite au baccalauréat, ils sont tous à 100%. Eux, ils calculent le taux de mention qu'ils ont au bac, parce qu'en fait, c'est déjà acté. Voilà. Donc, ils arrivent avec des chiffres 97, 98, 99% de mention au baccalauréat. Et puis après, ils font des concours aussi pour savoir qui a les meilleures mentions. Voilà, donc c'est quand même un autre niveau. Après, bon, voilà, tout n'est pas parfait dans les écoles privées hors contrat. comme l'a dit Longinus d'ailleurs, il n'y en a pas partout dans, sur le territoire français. La restriction qui se fait, la sélection, on va dire, qui se fait à l'entrée, il peut avoir une composante d'argent, mais vous savez, c'est l'école privée hors contrat catholique. Donc, si vraiment il y a un élève qui veut y entrer, qui mérite d'y entrer, les familles catholiques normalement font preuve de charité et s'entraident. Donc, c'est rarement une question d'argent, c'est surtout une question de rythme, parce que faut aussi le mériter la place pour l'enfant. Donc, un gamin qui se comporterait mal à plusieurs reprises, qui, par exemple, qui aurait des comportements violents ou asociaux, ça ferait pas un pli, il serait exclu de l'école. Ça peut pas être toléré. Et le rythme aussi difficile parfois à accepter pour les gamins, parce qu'on met l'accent sur le travail et le mérite. Hein. Ils se lèvent très tôt. Bien sûr, c'est des écoles privées ou hors contrat où on fait les offices catholiques, qui rythment d'ailleurs la journée. Donc, si vous voulez dire, moi, je profite de tous les bienfaits de cette institution, mais par contre, je veux que mon enfant il reste en dehors de toutes ces bondieuseries catholiques, ça j'en veux pas, ça marche pas. Voilà. C'est, vous prenez le package en entier, vous le prenez pas. Donc les enfants en travaillent beaucoup, ils sont souvent en pension complète, et ils voient leurs parents donc, du vendredi soir jusqu'au lundi matin, donc c'est aussi un rythme à prendre. Voilà. Il n'y a pas que des côtés positifs, il faut s'investir énormément, mais à la fin les fruits sont bons, je l'ai vu de mes propres yeux. J'en suis pas issu, hein. je l'ai pas expérimenté, j'étais à l'école publique, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Ça donne des gamins qui ont des très bonnes habitudes, qui sont travailleurs, qui sont sociaux, ils vivent en collectivité, et qui mettent aussi l'accent sur même le sport, des valeurs extrêmement positives, des sports collectifs d'ailleurs. C'est quasiment effectivement des sports collectifs, qui est une excellente valeur positive, je trouve. Pour les études supérieures, tu sais, il y a les gens qui passent toute leur enfance dans les écoles hors contrat. Il y a surtout pour les filles, je pense qu'il faut aussi les préparer à, parce que si elles partent à l'université. Oh là, des filles à l'université. Mais oui, non. Ça, j'ai vu ça. Et c'est pas génial, quoi. Il y en a qui, malheureusement, elles passent leur scolarité chez les dominicaines, mais après elles sortent, elles vont passer 2-3 ans à l'université et il y a beaucoup de travail qui est ruiné, quoi. Donc, ouais. J'ai malheureusement vu ça. Il faut éduquer les femmes pour se préparer à leur rôle de mère et d'épouse. C'est ce qu'on a besoin actuellement. Ça, c'est le plus important. Ou de religieuse, ouais. Mais... Que là, aujourd'hui, mettre les femmes au travail, on voit ce que ça fait, ça brise les couples. Du coup, plus personne s'occupe des enfants. Et les enfants, ils ont besoin d'une mère à la maison. Ils ont besoin de la protection de leurs parents. Et on a besoin de faire l'éducation à la maison, en famille. C'est-à-dire qu'on a besoin quand même d'avoir quelqu'un, une présence à la maison. Non, voyez nos femmes actuellement, non, c'est complètement... Non. On voit les dégâts que ça fait. Le problème, c'est que tout est fait aussi pour que les familles ne puissent pas avoir recours à cette option, pour que les deux parents soient obligés de travailler, sinon il n'y a pas assez d'argent qui rentre. Voilà. C'est ça. C'est fait exprès. On est tout à fait d'accord, c'est fait exprès. Parce qu'une fois qu'ils ont la main sur les gamins, c'est, voilà, c'est foutu. On voit maintenant, aujourd'hui, on a des gamins qui sortent de l'université. Alors, c'est quoi votre pronom préféré? Non, mais vous foutez de moi. Avec des pronoms en YEL. Non, mais c'est une catastrophe. YEL. Est-ce qu'on peut inverser? Est-ce qu'on peut genre faire un peu de ZIG? Et tu vois, c'est presque les mêmes lettres. Mon premier pronom, c'est ZIG. Mon deuxième, c'est AYLA. Ah ouais, madame. Moi, j'aurais une prof. J'arriverai dans une classe. La prof fait ça. Je fais. Vous sortez tout de suite, madame? D'accord, non, parce qu'aux États-Unis, il y a des universités où en fait, les profs se font virer si jamais ils n'utilisent pas les pronoms. Et si jamais ils n'utilisent pas les nouvelles identités choisies par les élèves. Donc, mais ce n'est pas que les écoles, il y a aussi dans les entreprises, je te rassure. Donc il y a des gens qui arrivent comme ça dans les facs américaines, ils ont 20 ans, puis le lendemain ils se sentent chats, et puis ils se comportent comme des chats, puis ils veulent qu'on les traite comme des chats. C'est même pas des blagues, hein, je vous assure, c'est même pas des blagues. Donc moi je veux très bien me présenter à Berkeley, tu vois, j'arrive aux USA, en Californie, et puis... Je me sens pas chat, moi je me sens plutôt Adolf Hitler. Je veux qu'on m'appelle Führer. Mais tu vois, ça passera pas là. Ça, bizarrement, celui-là ne passerait pas. Tout ce qui représente quelque chose peut-être de masculin, de masculinité, ça ne passerait pas. Par contre, pour dire aux auditeurs, il y a énormément de contenu libre, gratuit et de bonne qualité sur Internet pour pouvoir vous aider à construire vos propres programmes et faire le travail. Si vous êtes obligé d'envoyer vos enfants à l'école république, si vous n'avez pas le choix, que vous n'avez pas les moyens, etc., d'envoyer dans une école privée ou hors contrat, il y a énormément de choses que vous devez faire de votre côté. Il y a énormément de bons contenus, vous allez voir avec votre prêtre, il y a énormément de choses que vous pouvez faire pour rectifier le tir. Vous devez faire ce travail de votre côté avec vos enfants. C'est votre responsabilité et on a besoin de vous parce que c'est l'avenir de notre peuple, de notre race et des catholiques aussi. Merci à tous d'avoir écouté cette émission jusque-là. Je vous rappelle, donc, comme d'habitude, hein, si jamais... on voulait que l'émission cartonne encore plus qu'à l'accoutumée, donc on va compter sur vous pour faire les différents partages sur les réseaux sociaux, sur Gab, sur Odyssée, sur Telegram, partout. N'hésitez surtout pas à nous partager, on compte énormément sur vous, et je vous dis à la rentrée. À la rentrée. À la rentrée. Bonnes vacances à tous. Je voudrais finir avec une petite citation de Monseigneur Tiso, qui était un évêque slovaque pendant la Seconde Guerre mondiale. Dieu fasse que l'Allemagne ne perde pas la guerre. Tous les Juifs reviendraient. Toute cette guerre est une guerre sociale contre le capital juif. Que s'accomplisse contre eux la malédiction consécutive à la demande de mort de Jésus à Pilate. Bonne soirée à tous. Vive Jésus.